Le littoral est déjà un petit peu au soleil. On attend que cette couche nuageuse se morcelle, mais c'est un petit peu comme un film où l'action met un petit peu de temps à démarrer. Eh bien ici, les éclaircies vont mettre un petit peu de temps à revenir, mais elles devraient revenir partout. Hier, c'était encore bien gris dans le sud. Aujourd'hui, eh bien les éclaircies devraient s'y produire. On attend donc 15 à 21 degrés avec encore donc de la grisaille pour commencer, mais ensuite les éclaircies. Temps sec qui se confirme demain pour la première journée de l'automne, 17 à 22 degrés. Vendredi, on pourrait avoir un petit peu plus de nuages et peut-être 2-3 gouttes vendredi matin, mais c'est vraiment anecdotique. Et puis à nouveau des éclaircies pour samedi. Donc dans l'ensemble, une fin de semaine plutôt agréable. Vous êtes sur Viva, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et d'abord cette collision entre deux bateaux au large de la côte belge ce matin. Oui, il n'y aurait pas de victimes, que des dégâts matériels. Les deux navires sont entrés en collision à 30 km d'Ostende, dans la zone de mouillage, là où les bateaux restent avant d'entrer dans le port. Là, apparemment, un des deux bateaux a fait une manœuvre, l'autre a touché. Un des bateaux vient de Libéria, l'autre de l'île de Marshall. Ce n'est pas encore clair, donc on est en train de voir quel type de bateaux se sont touchés. Mais c'est ce qu'on peut dire déjà, c'est apparemment il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de fuite d'huile. On est en train de surveiller de nouveau la situation minute par minute. Et il y a deux bateaux sur place, un avion de reconnaissance qui sont en train de voir comment on peut gérer la situation. Donc vous le dites, hein, minute par minute, à l'heure actuelle, faut-il craindre une pollution? Apparemment ce n'est pas le cas. Après la collision, on n'a pas détecté une fuite d'huile, mais on reste aux vigilances. Philippe de Backer, le secrétaire d'État à la mer du Nord, joint il y a quelques minutes par Yasmina Favaro. L'ampleur des dégâts doit encore être évaluée avant de décider si les navires peuvent continuer à naviguer. Les députés wallons de retour au Parlement, une rentrée marquée par une ouverture toujours plus grande vers les citoyens. Des wallons et des wallonnes tirés au sort pourront à l'avenir participer aux travaux parlementaires. Une grande foire aux idées sera aussi bientôt organisée, une manière de faire le plein de bonnes idées pour redresser la Wallonie. La suite de l'audition des enquêteurs et des experts judiciaires ce mercredi au procès de Bernard Westphal devant les assises du Hainaut. Les enregistrements des auditions de Bernard Westphal seront au cœur des débats du jour. L'ancien député wallon doit répondre du meurtre de sa femme Véronique Pierreton. Hier, l'analyse des relevés téléphoniques a permis de pointer des incohérences dans la version de l'accusé. Exemple, un appel GSM passé à un moment donné où Bernard Westphal affirme qu'il dormait. Nous sommes le 21 septembre et c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Et avec le vieillissement de la population, la maladie d'Alzheimer touche de plus en plus de monde à travers la planète. La recherche avance, un médicament est testé actuellement. Médicament pour stopper la maladie avant qu'elle ne se déclare. Alors pour avancer au mieux, les chercheurs ont besoin de vous. L'hôpital Ambroise Paré à Mons recherche des volontaires. Critère, avoir entre 60 et 85 ans et ne souffrir d'aucun trouble de la mémoire. Écoutez les précisions de Marianne Blockmann, c'est les biologistes. Les patients de 60 à 65 ans doivent en plus avoir une histoire familiale, donc quelqu'un dans leur famille qui a déjà présenté la maladie d'Alzheimer. Les critères seront évalués par la suite chez les patients pour sélectionner uniquement les patients qui sont à risque plus tard de développer la maladie d'Alzheimer. Vous allez leur demander quoi à ces patients-là, ceux qui sont à risque ? Alors, on va leur proposer un traitement innovant dans le but de ralentir la progression de la maladie ou d'éviter que la maladie ne se développe chez ces personnes. Ça présente des risques de suivre ce traitement ? Les patients sont suivis de près, alors beaucoup plus suivis que dans la vie réelle, on va dire. Donc, durant la première année, on les voit tous les mois à l'hôpital. Les effets secondaires potentiels sont évalués de très près, donc les patients sont vraiment très encadrés pour éviter qu'il y ait des risques, justement. Une interview d'Isabelle Palmitessa. L'hôpital Ambroise Paré de Mons organise aujourd'hui une journée de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Elle a lieu entre 9 et 14 heures dans le hall du CHU. C'est tout nouveau. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire à un micro-master à l'université. Alors, un micro-master, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des cours en ligne, des MOOC, comme on les appelle. Vous apprenez comme sur un campus, mais vous restez chez vous. L'UCL et 12 universités mondiales lancent ce programme aujourd'hui. Et Odile Lehert nous explique tout. un ordinateur, une connexion Internet, une inscription sur la plateforme interuniversitaire EDX, basée aux États-Unis, et n'importe qui pourra suivre un micro-master en management ou en droit international. Yves Deville est conseiller au recteur de l'UCL pour l'université numérique. Un micro-master, c'est un ensemble de cours en ligne qui, après évaluation, donne accès à un certificat. Ça permet aux apprenants de pouvoir se tester. Voir si on est capable de réussir ces cours en ligne de micro-master. Et si on les réussit, pour autant qu'on soit accepté, bien sûr, on vient terminer sa formation sur site de manière accélérée, 6 mois plutôt qu'un an. Quant au public visé, les personnes qui n'ont pas l'occasion de pouvoir aller à l'université, des personnes qui travaillent. Voilà qui correspond aussi à une demande des employeurs, nous explique le patron d'Actiris, Grégoire Chapelle, des employeurs qui sont plus que jamais en quête de compétences. Et comment ne pas penser à tous ces employés du secteur bancaire, notamment menacés par des rumeurs de licenciement ces dernières semaines. Un travailleur qui est à l'emploi dans un secteur dont il sait qu'il est menacé, il a intérêt à pouvoir mettre ses compétences à jour, et c'est plus facile avec un micro-master à distance que de devoir arrêter sa carrière et recommencer des études à temps plein pendant plusieurs années. Donc oui, ce genre de proposition peut faciliter la transition d'un emploi à un autre. Car cette transition gagne à être la plus courte possible. Dans l'actualité également, ce nouveau mur anti-migrant en Europe est pas loin de chez nous cette fois. Non, à moins de 100 km de la frontière à Calais, dans le nord de la France, le chantier vient de débuter. Les ouvriers coulent le béton, protégé par les forces de l'ordre. Haut de 4 mètres, long d'un kilomètre, ce mur doit protéger les camions et décourager les réfugiés qui tentent de rejoindre la Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs les Anglais qui financent l'ensemble du chantier. Mais Françoise Walmax, ce mur suscite de vives critiques. Inhumain, inutile, défigurant le paysage, les critiques fusent face à l'érection de ce nouveau mur de béton armé. Les associations qui s'occupent des migrants dénoncent l'impasse dans laquelle ils se trouvent et plaident pour une politique d'immigration et d'accueil raisonnée. Pour les riverains, qui sont pourtant excédés par la proximité de la jungle, ce gigantesque bidonville à ciel ouvert, c'est une façon de les emmurer eux-mêmes et ça n'empêchera pas les migrants de prendre tous les risques pour passer. Côté britannique, les critiques sont aussi virulentes. Les écologistes qualifient ce mur de monstrueux. L'association Citizen demande que l'argent soit plutôt dépensé pour réunir les mineurs de la jungle avec leurs familles installées en Grande-Bretagne. Le chantier, financé par la Grande-Bretagne, devrait coûter 2,7 millions d'euros et être achevé d'ici la fin de l'année. C'est un nouveau mur en Europe, après ceux construits par l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie et la Macédoine, pour fermer la route des Balkans. La suite, oui, ce soir, dès 16e de finale de la Coupe de Belgique en football. Charleroi reçoit Bocholt, équipe de division 2 amateur. L'an dernier, les Carlos avaient été éliminés en 8e de finale. Ils comptent donc faire mieux cette année. Et pour le défenseur Clinton Mata, la Coupe est même devenue un objectif de la saison. Chaque année, c'est toujours l'objectif. Donc, on va essayer de jouer cette Coupe-là à fond, comme d'habitude. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. Et contre Bocholt, vous allez aussi avoir le ballon, vous allez aussi avoir des occasions. Mais il va falloir être plus efficace, à mon avis. Non, c'est sûr que voilà. Après, on ne doit pas se mettre la pression, on doit juste retenir que voilà, on a pratiqué du bon football, on a montré du beau football. Par rapport, on aurait pu penser aussi qu'après le match d'Anderlecht, on aurait pu être aussi moins bien, en pression et tout. Donc c'est ce qu'on a, on n'a vraiment pas montré ça du tout. On a essayé de jouer notre football et essayer de montrer que voilà, malgré la défaite d'Anderlecht, que Charleroi répondra présent. Interview d'Ebi Brouzakis. Les autres matchs de la soirée: Anderlecht-Louvain, Le Standard joue à Gael, Westerlo-Tubize, Eupen-Roulers, c'est Sprimont-Courtrai. Hier, le club de Bruges et Moucron se sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. RTBF Mobile Info, Stéphane Piedbeuf, et des ralentissements ce matin en province de Liège. Et je vous emmène précisément sur l'A602 qui relie Loncin à Chesnay en venant de l'E40, de Aouan et Saint-Nicolas. Et bien, vous allez perdre 35 minutes ce matin, 7 km de ralentissement. Et puis ce chantier de Cherade qui ralentit toujours du monde aujourd'hui entre Aix-la-Chapelle et Bruxelles essentiellement. Vous ralentissez entre Bleuny et Herstal. Pour rejoindre la capitale, on perd entre 25 et 35 minutes sur l'E40 qui vient de Liège, où ça ralentit entre Everberg, Évoluy et Saint-Étienne. Sur l'E40 qui vient de Gand, vous ralentissez également sur l'A12 qui vient d'Anvers entre Londers et les Strombeek, et on ajoute 25 minutes donc sur l'E19 entre Zemst et Makelen. Ailleurs, les ralentissements sont moindres, moins de 10 minutes à l'image de l'E411 qui vient de Namur. Sur le ring de la capitale, on vient d'apprendre un accident à hauteur de Groenendaal. La bande de gauche est neutralisée, il y a des files en direction de Waterloo. Les temps de parcours en circulation extérieure entre Zaventem et Grand Bigard, une demi-heure supplémentaire, 15 minutes en plus entre Oit Vitre et le Carrefour Léonard. Et on ajoute 10 minutes pour la circulation intérieure du ring de Bruxelles entre Grand Bigard et Zaventem. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une en télé. Vos avis et vos commentaires sur l'actu, c'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Eh ben, puisque Sébastien a tout dit, il n'y a plus qu'à. Vous avez remboursé votre maison et maintenant vous vous demandez que faire de votre argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez-d'investir. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 0 septembre 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 0 septembre 233-466 à Saint-Gilles, en une nuit, un artiste a peint un sexe géant qui n'est pas en érection sur le mur d'une maison face à une école. Cette fresque doit-elle être effacée d'urgence? Vous l'avez peut-être vu dans le JT hier soir, vous pouvez également la voir sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Au-dessus d'un toit, sur une façade latérale, on a peint sur fond noir un sexe au repos. Le dessin est parfait de réalisme. Officiellement, on ne sait pas qui est l'artiste auteur d'une performance, puisque le dessin est apparu en une nuit. Hier, dans le JT, les réactions en disaient très long sur la surprise des passants. Ça, mon Dieu, c'est affreux ça, hein? Ah non, j'ai jamais vu. C'est quoi ça? C'est honteux. Moi, je trouve que c'est un peu fort, mais bon, il faut vraiment regarder parce que sinon, on passe inaperçu. C'est incroyable. Que disent les autorités politiques de la commune? L'échevin de la culture et de la propreté publique ne peut pas effacer l'œuvre, il l'a dit dans le JT, parce que les ouvriers communaux n'ont pas le matériel. Et on a senti comme une absence de volontarisme. Alors c'est la question pour vous ce matin. À Saint-Gilles, en une nuit, un artiste a peint un sexe géant qui n'est pas en érection sur le mur d'une maison face à une école. Cette fresque doit-elle être effacée d'urgence? En Flandre, la moitié des proprios balaient les locataires avec un nom qui sonne étranger, mais pas toujours au téléphone. C'est quand qu'on est recalé? Au téléphone ou lors de la visite du bien? C'est une étude de l'université de Gand qui montre que 47% des particuliers et 26% des agents immobiliers discriminent le candidat locataire qui a un voile. Et ce candidat locataire est discriminé dès le premier coup de téléphone. Alors, le journal Tlatsenius a voulu vérifier le phénomène et a demandé à un Marocain, Morad Bougzar, d'appeler 50 propriétaires. Verdict, il n'a été recalé au téléphone qu'une seule fois sur 50 appels. Ça ne prouve pas que l'université de Gand a tort, non. Ça prouve, en fait, explique-t-il, que la discrimination vient surtout après, au moment de la visite par exemple, quand tout d'un coup la visite s'accélère ou quand le candidat locataire ou acheteur rappelle pour le bien et qu'on lui dit comme par hasard qu'il est déjà vendu ou loué. Alors c'est la question pour vous ce matin. En Flandre, la moitié des proprios balaient les locataires avec un nom qui sonne étranger, mais c'est quand qu'on est recalé? Au téléphone ou à la visite? Et puis au 0 70 233 466, un conseiller communal de Charleroi fait scandale parce qu'on a posté sur sa page Facebook une photo de lui tout nu sur une plage naturiste. Quand on est un homme public politique, est-ce qu'on peut se permettre ça? L'homme s'appelle Christian Meisman. Sur son mur Facebook, on a donc posté une photo de lui, nu, sexe flouté, sans doute sur une plage du Cap d'Agde, et tout ça sur fond de ciel bleu. Dans la Nouvelle Gazette, l'homme ne comprend pas le tollé. Si on parlait du Premier ministre, je pourrais comprendre, dit-il, mais ici, il s'agit juste d'un conseiller communal. Notez que la photo n'était visible que de ses contacts et pas du grand public. L'homme qui reconnaît pratiquer le naturisme assure qu'il y a des photos bien plus choquantes sur Internet. Oui, mais il a quand même fait disparaître la photo. La section locale du PS rappelle qu'un mandataire public doit faire attention à ne pas porter atteinte à... La question pour vous. Un conseiller communal de Charleroi fait scandale parce qu'on a posté sur sa page Facebook une photo de lui nu sur une plage naturiste. Quand on est un homme public politique, est-ce qu'on peut se permettre ça? Le standard est ouvert, Marion Jomotte. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 0 70 233 466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats dont c'est vous qui le dites. Un sexe masculin au repos peint sur une façade à Saint-Gilles, la discrimination immobilière envers les étrangers et enfin un conseiller communal de Charleroi nu sur Facebook. Pour entamer le débat ce matin, deux débatteurs de choix, François Heureux, rédacteur en chef de Vive à Bruxelles, et Sergio Honoré, directeur éditorial du journal de Spiro. Sergio et François, bonjour. Bonjour. Bonjour. Premier débat sur la table, c'est donc cette fresque apparue en une nuit au-dessus d'une maison à Saint-Gilles. Un sexe géant qui n'est pas en érection face à une école. sur le dessin, d'abord votre position, puis on discute. Est-ce que cette fresque vous choque, Sergio ? Non, elle ne me choque pas. Elle ne vous choque pas. Est-ce qu'elle vous choque, François ? Non, pas vraiment. C'est vrai que c'est un peu brutal, c'est vrai, mais je ne suis pas choqué. Je peux comprendre ceux qui sont choqués, mais moi je ne le suis pas. Mais j'adore le distinguo de tous les journalistes, c'est de bien expliquer que c'est un sexe au repos. Ça change quelque chose ou pas ? Est-ce que la perception aurait été la même ou pas la même, Sergio ? Ah oui, il faudrait la voir graphiquement, évidemment. Le côté hyper réaliste est quand même assez intéressant. Ouais, précisons quand même qu'on parle justement de la dureté ou pas de l'objet peint en question. Mmh. Il y a une autre fresque dans le centre-ville, rue des Poissonniers, pour ceux qui veulent aller la voir, qui montre là une pénétration. Donc là, on a un sexe qui est forcément un peu plus tendu et on a aussi un sexe féminin. Donc là, c'est quand même un peu plus, Explicite, et un peu plus explicite. Oui. Alors, puisqu'elle ne vous choque pas, la fresque ne vous choque pas, Sergio, un mot sur la localisation. Elle se trouve juste en face d'une école, et on a bien compris dans les premières réactions, c'est aussi un des éléments troublants. Non seulement un sexe très visible, mais en face d'une école, est-ce que c'est opportun ? Alors, l'acte artistique, ou en tout cas l'œuvre d'art, dans ce cas-ci, c'est aussi bien la représentation d'un sexe masculin au repos, mais c'est aussi l'endroit et c'est aussi le côté provocateur. Ça fait partie de l'acte artistique, en tout cas de celui qui l'a fait. Et donc la provocation, elle est là et elle est aussi dans le choix de l'endroit. Donc, on s'entend autour de la table, vous vous entendez sur l'aspect très provocateur. C'est fait pour choquer, François. Ah oui, sinon on aurait dessiné autre chose, évidemment. Oui, bien sûr, c'est de la provocation. Alors, à titre personnel, je ne comprends pas très bien le message derrière. Peut-être que l'artiste ou le collectif d'artistes qui a dessiné ce sexe s'exprimera peut-être aujourd'hui ou dans les prochains jours sur, oui, le message qu'ils veulent faire passer. Est-ce qu'on peut encore montrer aujourd'hui un sexe d'homme comme ça dans l'espace public ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la question derrière, mais voilà, il y a sûrement un message qui est, et c'est de la provocation, bien évidemment. Il y a la question de ce matin. Cette fresque doit-elle être effacée d'urgence, Sergio ? Alors, je pense qu'elle ne doit pas être effacée d'urgence. Et puis, de toute façon, le but est atteint puisque tous les médias en ont parlé. Donc, il n'y a plus d'urgence à l'effacer. Et je pense qu'on l'effacera le jour où on s'en lassera. Comment vous analysez la position de l'échevin de la culture à Saint-Gilles, l'échevin de la propreté publique ? Il a dit donc hier soir, de toute façon, on ne peut pas l'effacer. On n'a pas le matériel, nous, les ouvriers communaux. Et en plus, on ne va pas les mettre en danger sur un toit. C'est finement joué, c'est pour éviter évidemment de passer pour le censeur, le pudibon qui veut absolument effacer ça, et en même temps... Mais c'est du pipeau, s'il voulait, il pourrait l'effacer. Ah oui, bien sûr, bah oui. Si un collectif d'artistes ou un artiste a réussi à faire ça en une nuit, des ouvriers communaux peuvent l'enlever en une journée, sans problème. Nous sommes à Le Saint-Pierre. Ina, en ligne, bonjour. Bonjour. À Saint-Gilles, en une nuit, un artiste a peint un sexe géant qui n'est pas en érection sur le mur d'une maison face à une école. Cette fresque doit-elle être effacée d'urgence ? Selon moi, absolument. Pourquoi ? Parce qu'elle se retrouve exposée à des enfants. Le fait que ce soit devant une école n'est pas un hasard. Pour moi, ce n'est pas un public qui est prêt à pouvoir gérer ce genre d'image. Quel âge ont vos enfants, Ina ? 15, 10 et 7 ans. Quelle réaction ils pourraient avoir face à cette fresque ? Quelle était devant leur école ? Pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être troublant pour eux, perturbant, inutilement. Ils ne sont pas en mesure de gérer ce genre d'image et je ne vois pas du tout le message qui est transmis. Mais alors pourquoi un homme ou une femme a fait ce choix artistique, donc ce choix-là, devant une école à cet endroit-là ? Quel genre d'individu fait ça alors, Ina ? Selon moi, c'est quelqu'un qui veut bien sûr la provocation. Il veut faire passer un message. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de texte. C'est dommage qu'il soit anonyme. Parce qu'en fait, les conséquences, en fait, elle peut être sur des enfants et personne ne pourra le mesurer. Ça va créer plus de troubles qu'autre chose. Qu'il fasse une exposition dans un musée ou un endroit destiné à ça, mais pas dans la rue, devant les écoles. Vous avez vu cette fresque ? Vous avez vu cette fresque en photo ? Mais je ne l'ai pas vue, moi, je l'ai vue à la télé. Est-ce que vous la trouvez belle ? Bah, c'est-à-dire que derrière l'art, je veux dire que tous les arts sont possibles, mais belle, honnêtement, de ma définition de l'art, non, moi je ne la trouve pas belle à cause du message. C'est un non et vous souhaitez qu'on les fasse d'urgence. Je termine autour de la table avec Sergio et François. Au sens purement artistique, est-ce que vous trouvez cette fresque belle, Sergio ? Je trouve que l'hyper-réalisme est interpellant, mais je ne la trouve pas d'une beauté formidable. Vous la trouvez belle, François ? Non, je trouve que c'est l'acte d'un virtuose, parce que franchement, peindre ça en une nuit sur un mur de briques comme ça, il faut vraiment avoir il faut être très doué. mais non, je ne trouve pas ça beau, non. À Saint-Gilles, en une nuit, un artiste a peint un sexe géant qui n'est pas en érection sur le mur d'une maison face à une école. Cette fresque doit-elle être effacée d'urgence? Dans un instant, le deuxième débat sur la table. Ce moment où on discrimine le candidat locataire qui a un nom qui sonne étranger. Puis le conseil communal de Charleroi et sa photo nue sur Facebook. Est-ce qu'on peut quand on est politique publique? Et puis la question qui dérange à 10h45. Tous les 6 jours, un prisonnier meurt, mais le taux de mortalité en prison n'est pas le même partout. Pourquoi on meurt plus à Lantin qu'ailleurs? C'est quand même bizarre, non? Dans certaines prisons, il n'y a que 2 ou 0 morts parfois. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Pendant les Audi Days, tout est exceptionnel. Les conditions sur l'Audi Q3 sont exceptionnelles. Le sentiment de liberté qu'elle dégage est exceptionnel. Exceptionnel aussi, le système BSI. Boost de sensations irrationnelles. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q3 super équipé à partir de 31 450 euros ou 229 euros par mois en personnel lease. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Télépro et la Loterie Nationale. Vivacité et la 2 présente Spa Italia. Le dimanche 2 octobre, vivez une journée 100% italienne sur le circuit de Spa-Francorchamps. Exposition d'auto et moto classiques et modernes. Sessions sur piste, parades et bien plus encore. Inscription et informations sur spaitalia.be. Un événement DG Sport. RTBF présente Mix City. Bruxelles. 2017, c'est l'année de la diversité à Bruxelles. Alors venez vous mélanger à Hello Mix City. Grand concert d'ouverture avec 120 artistes, 20 pays, 10 langues, 2 scènes et c'est gratuit. Hello Mix City, Mont des Arts, vendredi 30 septembre à 18h. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, BX1 et le soir. Vive à Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table avec François Heureux, journaliste Vivacité Bruxelles, Serge Honoré, le journal de Spirou et vous bien sûr. En Flandre, la moitié des proprios balayent les locataires avec un nom qui sonne étranger. Donc point de départ de cette info, c'est une étude de l'université de Gand qui montre que les particuliers et les agents immobiliers balayent les candidats locataires qui ont un voile. Et puis ce matin, le Latstenus qui a voulu tester et qui a donc demandé à quelqu'un avec un nom qui sonne étranger, à monsieur Morad Bougzar, marocain, d'appeler 50 propriétaires. Il n'a été recalé au téléphone qu'une seule fois sur 50 appels, mais il dit attention, croyez pas que tout va bien, c'est après qu'on se fait recaler, au moment de la visite, quand la visite s'accélère. D'abord un mot sur le contraste, c'est étrange François, donc il y a des gens, des propriétaires, qui ne recalent pas sur base du nom au téléphone, qui laissent le gars venir visiter, mais qui là s'en débarrassent. Pourquoi ils se débarrassent pas alors du client dès le départ? Vous savez, le racisme, c'est pas un truc comme ça, scientifique, avec des règles. Non. Surtout quand on est propriétaire et que, soi-disant, on veut quelqu'un de bien, de présentable, qui a l'air de bien gagner sa vie, ça va au-delà de j'ai pas envie de telle race ou de telle origine ou de telle nation dans mon bien immobilier. Non, ça va bien au-delà, ça va. Je ne veux pas de quelqu'un qui présente un peu mal, je ne veux pas de quelqu'un qui a l'air de ne pas bien gagner sa vie, je ne veux pas de quelqu'un qui n'a pas l'air très propre. Vous voyez, c'est je pense que ça va bien au-delà du racisme et d'un simple nom à consonance soi-disant étrangère. Je crois que ça va au-delà et donc c'est peut-être l'explication de l'augmentation, enfin en tout cas de la plus grande part de rejet des visus que plutôt au téléphone. Je voudrais votre avis sur un des moments racontés par ce Morad Bogzar dans le journal ce matin, Sergio. Il a donc quelqu'un au téléphone, il dit « mais ma femme est voilée ». Le propriétaire lui répond « voilée, oui, oui, bien sûr, pas de problème ». Pas de problème. Et puis au moment de la visite, ben si, problème. Quel effet ça peut avoir sur le couple et sur la femme voilée refusée? Ce « oui, oui, bien sûr », et puis en fait « non, non, non ». Rappelons aussi que la discrimination sur base de race, de maladie, d'apparence, c'est puni par la loi. C'est totalement illégal. C'est tout à fait illégal. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc effectivement, au téléphone, le premier rapport, au téléphone, on ne sait pas à qui on a affaire. Ça peut être effectivement un journaliste, donc on va garder une position tout à fait prudente. Mais une fois qu'on est confronté à la réalité de visu et entre quatre yeux, même s'ils sont c'est à ce moment-là qu'on se rétracte parce que la réalité, elle est prégnante. Et effectivement, ça peut avoir sur un couple, c'est carrément un rejet, et un rejet total de croyances philosophiques. C'est une réaction de rejet et qui est vexatoire. On a l'impression que ce n'est pas toujours fait de manière fine. Donc, ceux qui ont testé ça expliquent qu'au moment des visites, tout d'un coup, ça s'accélère. Dès que le propriétaire se rend compte qu'il a face à lui quelqu'un avec un nom à consonance étrangère, peut-être une apparence de peau un peu différente ou un voile, la visite s'accélère. C'est même pas fait de manière fine, alors François. Vous savez, moi j'ai été confronté personnellement à deux cas. Alors, moi je suis très présentable et je suis d'origine belge, donc voilà, heureux, tout va bien. François, heureux. Mais j'ai voulu louer un appartement à Bruxelles avec un autre ami, donc je suis allé visiter, et la propriétaire m'a clairement demandé si mon ami était d'origine africaine ou pas, parce que si c'était le cas, elle ne me louait pas l'appartement. Donc il y avait une forme de franchise. Là, c'est pas très fin. Là, hein. Oui. Deuxième cas, beaucoup plus subtil, mais vous allez voir que c'est pas très ruisant non plus. Je devais relouer mon appartement que je quittais, et le couple que j'avais trouvé a été refusé par la propriétaire, parce qu'ils avaient des enfants. Or, j'en avais aussi. Donc, vous voyez, mais c'était un couple d'origine arabe. Et donc, voilà, là, ça a été de manière plus fine. Ça dépend un peu des propriétaires. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont frontalement dire « Non, moi, je veux quelqu'un qui me ressemble, en gros. » Et on assume de plus en plus un racisme aujourd'hui. Le voit aussi avec les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est la réalité aujourd'hui. Alors, comment on fait, Sergio, pour habiter? Donc, dans l'étude de l'Université de Gand, 47% des particuliers, c'est quand même la moitié des propriétaires, la moitié des propriétaires balaient ceux qui ont un nom en consonance étrangère ou un voile, et 26% des agents immobiliers balaient ces gens-là aussi. Ça fait 1 sur 4. Alors, comment on fait pour habiter? Ça, j'en sais rien. Et justement, cette réaction de rejet, elle est extrêmement difficile à combattre. Et comme le dit François, aujourd'hui, il y a de moins en moins de complexes. On a un discours décomplexifié. Je suis propriétaire, donc je peux dire ce que je veux au locataire, parce que de toute façon, c'est chez moi. Et on oublie le cadre légal. Et il faut le rappeler, et il faut le rappeler de manière constante. Que dit l'enquête? C'est que cette discrimination s'exerce aussi au moment de l'achat. Quand un couple vient pour acheter, là aussi, il y a discrimination. Demandons un avis à Colfont. Camille est en ligne, bonjour. Camille, bonjour. On va tenter de le récupérer dans quelques instants. Camille Colfontaine dans le Hainaut, son épouse marocaine. Un pari alors sur peut-être ce que nous aurons tout à l'heure en ligne. À votre avis, on discrimine plus au téléphone ou au moment de la visite, François? À mon avis, clairement au moment de la visite, parce que, comme je le disais, c'est là que les apparences se dévoilent et que donc il y a toutes sortes de paramètres comme ça qui peuvent engendrer une discrimination qui, rappelons-le encore une fois, effectivement, est totalement illégale. Le pari, Sergio, c'est au moment du téléphone ou de la visite qu'on est le plus discriminé, à votre avis? À mon avis, c'est au moment de la visite, parce que ça se passe entre quatre yeux et dans un moment clos. Et au téléphone, on ne sait pas qui peut enregistrer, témoigner. Vous êtes d'accord sur le moment? Alors, Colfontaine, Camille, bonjour. Bonjour Benjamin. Donc en Flandre, la moitié des proprios balaient les locataires avec un nom qui sonne étranger. Pas toujours au téléphone, parfois c'est au moment de la visite. C'est quand qu'on est recalé? Avec votre épouse marocaine, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ça fait 3 ans qu'on vécu ces calvaires. C'est-à-dire que nous téléphonons, donc si c'est moi-même qui téléphone, comme je suis belge à ce moment-là, ils tiennent des propos en disant « voilà, il n'y a pas de souci, venez ». Et une fois que j'arrive, qu'ils voient mon épouse, je vois directement que leurs yeux se retournent. En plus de ça, mon épouse ne porte pas le voile, mais rien qu'à la regarder, ils se disent « tiens, c'est un peu bizarre ». Est-ce que votre épouse a déjà appelé pour l'appartement ou pour la maison? Est-ce qu'elle appelle parfois elle-même? Oui, voilà, justement. Mais quand je vais en venir là-dessus, quand elle appelle elle-même, elle a une très bonne élocution parce qu'elle a fait toutes ses années en français. Elle parle plusieurs langues, notamment le français. Elle a Bac plus 5. Bon, à ce moment-là, ils disent oui, madame, pas de souci, tout ça, parce qu'elle parle très, très, très, très bien. Camille, est-ce qu'elle a un nom qui sonne étranger? Parce que c'est au cœur de la discrimination en Flandre. Est-ce qu'elle a un nom qui sonne étranger? Ah ben oui, bien sûr. Je sais pas si je peux dire son nom à l'antenne, mais oui, bien sûr. Elle s'appelle Moubtaïch, donc Moubtaïch, c'est pas comme moi qui s'appelle Pierquin, par exemple. Hein. Et elle donne donc, son nom quand elle appelle? Alors, on la voit directement avec un voile, tout ça, or qu'elle n'est pas voilée, rien du tout, elle n'a jamais été voilée. Et elle donne son nom quand elle appelle ou elle ne le donne pas? Au début, oui, après, non. Après, non. On a dit, tiens, on ne donne pas le nom, puis on arrive. Alors, il parle de caution. Donc, on dit, ok, pas de souci, fiche de salaire, pas de souci, elle travaille. Puis une fois qu'on arrive sur place, ils regardent et « Ah oui, mais vous n'êtes pas les seuls, on est déjà venus. » Et pourtant, c'est mon épouse qui parle calmement. Ah, c'est le coup de l'excuse traditionnelle. C'est ce qu'on donne souvent, c'est ce qu'explique ce journaliste collaborateur du Latsenius marocain, Morad Bougzar, qui a passé les appels. On lui fait le coup aussi. « Ah bah désolé, il vient d'être vendu. » Camille, je vous dispense de la question suivante et on termine avec ça autour de la table. Je suis discriminé à cause de mon nom, j'ai pas le logement, je porte plainte ou tant pis, je laisse tomber. C'est non, il faut absolument porter plainte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le racisme est en train de se banaliser. Pour lutter contre ça, il faut absolument dénoncer ce genre d'agissement. Oui, mais dans les faits, on laisserait pas tomber encore un qui me jette. On ne laisse pas tomber. Et comment est-ce qu'on fait pour vivre? Comment est-ce qu'on fait pour se loger? C'est la vraie question. Avec un nom qui sonne étranger, c'est quand qu'on est recalé, au téléphone ou à la visite? Dans un instant, troisième débat sur la table. Le conseiller communal de Charleroi qui fait scandale parce qu'on a posté sur sa page une photo Facebook de lui tout nu. Quand on est un homme public politique, est-ce qu'on peut se permettre ça? Et puis 10h45, la question qui dérange. Tous les 6 jours, un prisonnier meurt, mais le taux de mortalité en prison n'est pas le même partout. Pourquoi on meurt plus à Lantin? C'est quand même bizarre, non? Quand on analyse les chiffres. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. J'ai trouvé... T'as trouvé quoi? Un appartement 2 chambres entièrement équipé à partir de 185 000 euros hors TVA et frais à City Docks. City quoi? City Docks DOX, un quartier nouvelle génération aux portes de Bruxelles. City Docks, pavillon de vente ouvert à partir du 22 septembre. Du studio aux 3 chambres, profitez de conditions exceptionnelles de lancement. citydocks.be. Cuisine Dovi fête ses 36 ans avec 36 journées folles. Maintenant, lave-vaisselle gratuit, pack à induction plus casserole assortie en cadeau. Conditions sur dovi.be. Cuisine Dovi. Nous créons votre cuisine. Mitsubishi chez Renversante, conditions septembre en. Vous voulez dire en septembre, conditions renversantes chez Mitsubishi? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, conditions renversantes sur toute la gamme. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Tu as fui ton pays. Après des années de guerre, ton retard scolaire te paraît insurmontable. Au Liban, 250 000 enfants réfugiés syriens sont privés d'école. Grâce à un soutien scolaire, une nouvelle vie peut commencer dès la rentrée. Avec vous et Caritas, ils dessinent leur avenir. Faites un don sur caritasinternational.be. Faire des folies dans les magasins de New York. Oh là là. Ou plutôt dans les casinos de Las Vegas. Oh là là là là. Lâchez-vous, chez Neckermann, nous vous aidons à imaginer votre programme de vacances idéal. Réservez maintenant un circuit et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. Chaque chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Quelle est la conversation qui s'imposera tout à l'heure? Troisième débat sur la table avec François, journaliste Viva, avec Sergio, le journal de Spirou. Un conseiller communal de Charleroi fait scandale. Il s'appelle Christian Meismans. Sur son mur Facebook, quelqu'un a posté une photo de lui tout nu, sans doute sur une plage naturiste du Cap d'Acte. La photo est là. Et puis, tollé général à tel point qu'il l'a enlevé. Certains dans la section locale du PS rappellent qu'un mandataire public doit faire attention à ne pas porter atteinte. La question est la suivante, Sergio. Quand on est un homme public, politique, est-ce qu'on peut se permettre ça? La première question, c'est que c'était uniquement visible par ses contacts, et donc je me demande lequel de ses contacts l'a balancé à Sud Presse. Et à sa place, je ferai quand même fort attention à qui il autorise à regarder ses photos privées sur Facebook. Ah, mais la légende dit que ça a fait polémique avant la parution dans la presse, qui est le résultat de la polémique. Est-ce que quand on est un conseiller communal, parce que lui dit « je suis pas Premier ministre », quand on est conseiller communal, c'est choquant ou pas? Alors, François, moi, je voudrais d'abord dire qu'il n'y a rien de mal. Cet homme ne fait rien de mal. Il est sur une plage naturiste, donc il a le droit d'être nu. En plus, la photo est floutée au niveau du sexe, ce qui n'était pas le cas de la fresque dont on parlait avant. Enfin bon, c'est un autre sujet. Oui, ici, il y a floutage. Mais ici, il y a floutage. Donc, voilà. Honnêtement, moi, je ne comprends pas très bien le tollé. Bon. Il y a tollé, effectivement, oui, bien sûr. Il y a fonction. Le tollé vient du fait qu'il a une fonction, qu'il a un conseiller communal, effectivement, on ne le voit pas dans les journaux télévisés une fois tous les deux jours. C'est quand même pas quelqu'un qui a une vie publique immense. Et est-ce que je serais plus choqué s'il y avait une photo du sexe flouté de Charles Michel? Moi, je pense quand même que quand on est un vrai homme public, comme le Premier ministre, comme un président de parti, etc., effectivement, là... Il n'y a rien à faire. On a une image publique et on a forcément une vie privée qui se restreint, qu'on doit défendre, qui se restreint. Élément par élément. Alors, cet homme est conseiller communal. Il y a l'institution ville de Charleroi. Est-ce que la ville de Charleroi est impactée par cette photo d'un homme tout nu qui est conseiller communal? Est-ce qu'il porte atteinte à l'institution? Je ne pense pas. C'est un conseiller communal. Donc, il est effectivement issu de la société civile. Il vit sa vie. On ne voit pas son sexe, ce n'est pas une photo extrêmement... Est-ce qu'il porte atteinte à la politique dans son ensemble et à la section PS locale? Moi, je pense pas, non. Parce que la section PS le rappelle à l'ordre en disant « Attention, vous devez faire attention à ne pas porter atteinte à... » C'était maladroit? Je ne sais pas si c'est maladroit. Très franchement... Il l'a enlevé, il n'aurait pas dû la laisser. Alors, si on peut assumer ça, il ne devait pas la laisser, cette photo? Ce qui est maladroit, Benjamin, c'est de croire que quand on poste quelque chose sur Facebook, même si ce n'est visible que par ses amis, et ici, si j'ai bien compris, les amis, il y en a énormément, plus de 1000, c'est de croire que ça va rester dans une espèce de sphère privée. C'est faux, on le sait très bien. Oui. La preuve, c'est qu'on en parle ici, et que la photo est publiée dans Sud Presse ce matin. Donc oui, c'est une erreur de croire que Facebook est hermétique et ne fait partie que de la sphère privée. Mais non, c'est quoi la polémique? C'est d'affirmer qu'il va au Cap d'Agde et qu'il se balade tout nu sur les plages. Il y a des tas de gens qui le font, donc ça reste dans un lieu clos, c'est flouté. Franchement, je vois pas. La polémique est sur la publication de la photo, pas sur sa fréquentation de plage naturiste. On va demander un avis à Houtin Saint-Siméon. Jacques est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Jacques, un conseiller communal de Charleroi fait scandale parce qu'on a posté sur sa page Facebook une photo de lui tout nu. Quand on est un homme public politique, est-ce qu'on peut se permettre ça? Bien, Benjamin, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que moi, je suis comme ce monsieur, donc un naturiste. Donc, je ne vois pas en quoi ça pourrait déranger, puisque nous sommes vraiment dans des lieux réservés aux naturistes. Mais seulement, là où ça dérange un petit peu, c'est que, bon, on rend le public peut-être... rendre public une photo de sa sexualité, machin, bazar, enfin, bon, ouais. Vous mettez des photos de vous tout nu sur les plages naturistes sur votre Facebook? Non, sur Facebook, non. Ici, la particularité, c'est que cet homme, Jacques, est conseiller communal. Donc, la remise en cause, c'est pas sur le fait qu'il aille ou pas dans des plages naturistes, c'est sur le fait qu'il est conseiller communal. C'est une erreur d'avoir laissé cette photo? Je pense que de sa part, oui. De sa part, oui. Parce qu'il aurait dû penser aux arrières. Il a manqué de prudence. Voilà, c'est un manque de prudence. Maintenant, si on va par là, il y a des sites, je vais dire caméras en ligne et tout ça, où là, bon, là on ne dit rien. C'est ce que dit ce conseil communal. Allez sur Internet, il y a des photos et des vidéos bien plus choquantes que celles que je viens d'effacer, puisqu'il a effacé cette photo. Jacques, manque de prudence. On termine rapidement autour de la table, on verra si la conversation s'impose. Est-ce que de la part de la section locale du PS qui est donc fâchée, est-ce que ça mérite une sanction, une remontrance publique forte? Non, pour moi non, vraiment pas non. Alors là, non, Sergio. Mais voilà, en fait, ce qui risque, puisque c'est sa fonction au conseil communal, c'est qu'il y ait 5 minutes où on se moque de lui, et puis que quand il prendra la parole, il y aura toujours bien quelqu'un pour lui dire « Tu te rappelles de ta photo ?» Donc en fait, on fait perdre un peu du temps à tout le monde. Sergio Honoré, François Heureux, bonne journée messieurs. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. À Saint-Gilles, en une nuit, un artiste a peint un sexe géant qui n'est pas en érection sur le mur d'une maison face à une école. Cette fresque doit-elle être effacée d'urgence? Ensuite, en Flandre, la moitié des proprios balayent les locataires avec un nom qui sonne étranger. Mais c'est quand qu'on est recalé? Au téléphone ou au moment de la visite? Et puis un conseiller communal de Charleroi fait scandale parce qu'on a posté sur sa page Facebook une photo de lui tout nu. Quand on est un homme public, politique, est-ce qu'on peut se permettre ça? 070-233-466 par SMS au 3063. Nous allons d'abord à Chauxfontaine. Germaine, bonjour. Bonjour Benjamin. Et donc les habitants de Saint-Gilles découvrent un sexe géant sur un mur. Le sexe n'est pas en érection face à une école. Est-ce que vous souhaitez qu'on efface ça d'urgence? Écoutez, moi quand j'ai vu ça hier à la TV, ça m'a fait rire, surtout la suite de la présentation de ce sexe. Le gars, il a fait ça en une nuit. S'il est à l'écoute, je le félicite. C'est magnifique, c'est bien représenté. Mais il y a deux choses. Il y a la performance artistique et puis il y a de l'opportunité de mettre ça dans l'espace public face à des passants, face à des enfants et face à une école. Est-ce que ça, c'était opportun? Qu'on arrête un peu cette pudeur cato. C'est de la pudeur cato. Vous avez vu dans le JT hier soir que 4 dames qui découvraient la fresque étaient plutôt hostiles. Oui, ça m'a encore fait rire, j'ai encore plus ri, parce qu'on dirait que ce sont des femmes qui n'ont jamais vu le sexe d'un homme. Écoutez, je ne vais pas me montrer trivial, sûrement pas, mais excusez-moi, ou alors ce sont elles se prennent pour des anges qui n'ont pas de sexe. Non, écoutez, moi, franchement... Vous la trouvez belle, cette fresque? Elle vous plaît? Plus rire, c'est que la commune n'est pas apte à effacer ça, parce qu'ils n'ont pas le matos, ils n'ont pas les assurances, ils n'ont pas... Ça fait le pied de nez que l'artiste fait à toute cette société qui pratique des on appelle ça des religions, mais moi j'appelle ça des sectes. Franchement, ça me et les fait enfants, rire à mourir. Et les enfants de l'école juste en face, ils doivent en rire aussi. Il y a une école catholique en face. C'est un double pied de nez. Vraiment, Benjamin, j'ai eu beau hier. J'entends bien, Germaine, j'entends bien le pied de nez, mais je vous demande si les enfants risquent d'être choqués par cette fresque. Oui, des enfants peut-être qui dorment ensemble dans la même chambre, qui se lavent devant leurs parents, qui vont... Écoutez, ben justement, c'est le rôle des parents de leur montrer qu'ils n'ont pas à être choqués, qu'il y a des hommes et des... Écoutez, les enfants même de 5-6 ans, et vous en apprendrez. Ah ben, vous aurez noté qu'ici, c'est pas les parents qui emmenaient les enfants au musée voir une fresque. Hein. Cette fresque s'est imposée à l'école et aux différents écoliers qui sont juste en face. Mais j'entends, Germaine, que vous avez ri et que tout ça, c'est de la pudeur cato. RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Pour rejoindre Bruxelles, Benjamin, une dizaine de minutes supplémentaires sur la plupart des axes qui convergent vers la capitale, à l'exception de l'E19 qui vient de Mons et de l'E429 qui vient de Tournai où la circulation est complètement fluide. C'est peut-être un petit peu compliqué dans l'échangeur de Woluwe et Saint-Etienne. Le passage est difficile car dans la bretelle qui relie l'E40 qui vient de Liège au ring de Bruxelles vers Grand Bigard, eh bien, il y a un véhicule qui est en panne là-bas. Et puis sur le ring, 2 accidents consécutifs se sont produits en circulation intérieure à Oeilaert et à Groenendaal. Le passage est difficile. Il y a des files depuis le carrefour Léonard en direction de Waterloo et sur le ring, là où vous perdez le plus de temps, et bien c'est en circulation extérieure entre Zaventem et Grand Bigard, une vingtaine de minutes supplémentaires. Et en circulation intérieure, c'est depuis le carrefour Léonard jusqu'à Ittres que vous perdez une vingtaine de minutes. Et puis des travaux qui vous ralentissent sur l'A54 à Nivelles-Charleroi entre Lutre et Timéon, des files sur 2 km en direction de Charleroi et en province de Liège, 10 minutes supplémentaires entre Anse et Saint-Nicolas sur l'A602 Long-Saint-Chêney, 4 km de ralentissement et 10 minutes de plus. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semaine-mob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, nous irons à Montigny-le-Tilleul et c'est Alain qui viendra nous dire si un conseiller communal de Charleroi peut mettre sur son Facebook des photos de lui sur une plage nudiste. Viva! Viva Bruxelles! En toute complicité. Sur 99.3 FM. Construction Perfection Habitat. Week-end portes ouvertes ces 24 et 25 septembre. Découvrez une nouvelle maison Perfection Habitat, rue Joseph Wauters à Crisney. Construction Perfection Habitat. Une exclusivité, Étienne Piron. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil. Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Parce qu'aimer la nature, c'est d'abord aimer les hommes. Peridaïsa, partenaire naturel de Cap 48. Michel emmène François faire un tour à bord de sa toute nouvelle Seat Ateca. François n'en croit pas ses yeux. Et ça c'est quoi ça? C'est le chargeur mobile sans fil. Ah, et ce truc-là, là, c'est l'écran de la caméra TopView. Ah bah oui, oui. Bah oui. Excité par la richesse de l'équipement du Seat Ateca, François n'arrête plus. Et ce bouton, il sert à quoi? Bah activer le frein à main électrique. Et celui-là, là, c'est... Bah, ça c'est mon bouton de manchette. Ton bouton de manchette. Ah, bah, bien sûr, évidemment. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Aujourd'hui, on va travailler les genoux, on relâche les jambes, on va dans la cuisine et on plie les genoux, prend le sac poubelle et on le ferme, on se remet droit et on se baisse, on le dépose et on recommence. Allez! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emule Gel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicaments ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Septante, 2, 3, 3, 4, 6, 6 sur la table, Mario en Flandre, la moitié des proprios balaient les locataires avec un nom qui sonne étranger. Mais c'est quand qu'on est recalé? Au téléphone ou à la visite à ce propos? Eh bien à ce propos, pour Jessica de Soumagne, la discrimination se fait dès le coup de téléphone, rien qu'en entendant l'accent peut-être ou même le nom de famille. Alors Jessica est d'accord pour dire qu'un propriétaire a le droit de choisir qu'il veut ou pas louer son bien. Maintenant, un nom en consonance bien belge ne garantit absolument pas un loyer payé en temps et en heure. C'est normal de vouloir se protéger, dit Jessica, mais c'est surtout naïf de se dire qu'en prenant un monsieur Dupont plutôt qu'un monsieur Abdel, on n'aura aucun problème. Montigny-le-Tilleul est en ligne. Alain, bonjour. Bonjour, monsieur Maréchal. Et nous voici donc face à un conseil communal de Charleroi qui fait scandale parce qu'un ami poste sur sa page Facebook une photo de lui nu sur une plage nudiste. Quand on est un homme public politique, on peut se permettre ça ou on ne peut pas se permettre ça? À son niveau, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que bon, s'il est vraiment, c'est pas quelqu'un qui passe tous les jours à la télévision ou des choses comme ça. C'est un monsieur, bon, comme moi personnellement, je connais, qui habite à Marché-Nopon, mais bon, c'est un ami à vous. Ce n'est pas pour ça, parce qu'il se met. C'est un ami à vous. Lui nu, qui est de toute façon flouté. C'est un ami à vous. Que, bon, ça pose problème. Enfin, c'est un ami à vous, Alain. Moi, c'est ce que je pense. Quoi. Alain, c'est un ami à vous. Pas un ami, mais disons que je le connais. Ok, c'est pour savoir votre niveau de neutralité. À la ville de Charleroi, quoi. Ok, c'est pour connaître votre niveau de neutralité dans cette conversation. Vous me dites à son niveau, ça n'a pas d'importance. Mais alors à quel niveau ça a de l'importance? Ça peut avoir une importance si c'est par exemple un personnage public, dans le sens un premier ministre ou un président de parlement ou des choses comme ça, ou peut-être même parfois, disons, certains députés, chefs de groupe ou quelque chose comme ça, mais pas au niveau communal. Hein. Pas au niveau communal. Ouais, donc un député wallon ne pourrait pas mettre une photo de lui sur une plage nudiste, naturiste, un conseiller communal peut. Disons que bon, ça a moins d'impact puisque bon, disons, je parle même pas au niveau d'un député wallon. Prenons le cas par exemple un chef de groupe au niveau parlement, quelqu'un qui passe régulièrement sur à la télévision ou des choses comme ça, ou qui est régulièrement interviewé. Alors je retiens que l'élément qui, c'est le nombre de passages à la télévision. Si on n'a pas un nombre de passages suffisant, alors on peut mettre ce genre de photos. Si vous estimez qu'il y a un niveau de pouvoir auquel on peut et on ne peut pas, dites-le au 070-233-466, on ira peut-être plus loin dans la conversation tout à l'heure. Scarbeck nous appelle maintenant. Nadia, bonjour. Bonjour Benjamin. En Flandre, la moitié des proprios balaient les locataires avec un nom qui sonne étranger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Ça m'est déjà arrivé avec un nom qui n'est pas étranger, pourtant je suis marocaine. C'est un nom d'emprunt qu'on a pris. Et pourquoi vous prenez un nom d'emprunt ? Vous pourriez donner votre vrai nom ? Pourquoi vous ne le donnez pas ? Non. Non, non, c'est un nom que mon père a pris dans les années 60. Et vous avez été recalé pourquoi alors, si ça vous est déjà arrivé ? Eh bien, ça m'est déjà arrivé parce que j'ai été visiter un appartement, le propriétaire est un Marocain, et il m'a dit « je ne vous prends pas parce que vous ne vous voilez pas et que vous êtes maquillé et habillé en mini-jupe ». Ah, donc c'est l'effet inverse. En Flandre, on découvre que les femmes voilées sont recalées. Vous, vous avez été recalée parce que pas de voile. Pas de voile et que, voilà, c'est pour lui, je devais être voilée, je devais enlever mon maquillage pour avoir accès à l'appartement. Donc, Je reprends deux secondes. Cette étude flamande, à la fois de l'université de Gand et l'expérience menée par le journal Le Tlas News. Donc, le moment auquel on est recalé. Au téléphone, vous n'avez jamais été recalé. Je n'ai jamais été recalé, mais il n'y a pas longtemps, j'ai été visiter deux appartements en Flandre, mais ce sont mes enfants qui n'ont pas voulu habiter de ce côté-là. Et le propriétaire était très accueillant et très gentil. Quand le proprio marocain vous a dit « vous venez pas parce que vous n'êtes pas voilé », vous avez pris ça comment ? J'appelle ça du racisme. Vous lui avez dit ? Oui, oui, je lui ai dit, vous êtes un pur raciste. Le racisme, c'est entre nous, c'est pas entre les Européens et nous. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Eh bien, il m'a répondu, c'est ma maison, je fais ce que je veux. C'est ma maison, je fais ce que je veux. En Flandre, 47% des particuliers et 26% des agents immobiliers discriminent le candidat locataire ou le candidat acheteur qui a un voile et qui même parfois n'en a pas parce que le nom sonne juste étranger. Nadia, discriminée à Scarbeck. Dans un instant à Teux, Pierre a vu l'image de ce pénis géant à Saint-Gilles. Il nous dira s'il faut effacer cette fresque d'urgence. Cuisine Créfelle. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfelle. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Etias, bonjour. Bonjour madame, je viens de rentrer dans une autre voiture. Rien de grave, monsieur ? Non, j'ai juste trois enfants qui reviennent de l'école et une voiture qui ne roule plus. Écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. Oh, c'est rapide ça, j'aurai pas le temps de faire les devoirs. Les devoirs. Mais oui, pour une fois que j'ai les trois enfants bien assis et qu'ils peuvent pas s'échapper. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. La semaine de la mobilité a lieu du 16 au 22 septembre avec pour thème « Partager la route, on s'y met tous ». Cette année, la Wallonie met le focus sur la combinaison de différents moyens de déplacement. À cette occasion, des familles mais aussi des communes, des écoles et des entreprises se lancent dans des défis mobilité. Pour suivre leurs expériences et découvrir l'actualité de la semaine de la mobilité, rendez-vous sur Vivacité. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Vous sentez ? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Vivacité La Une présente l'Eneco Tour du 19 au 25 septembre. Qui succédera à Tim Wellens ? Les contre-la-montre, les sprints bonification ou l'ascension du mur de Grammont seront-ils décisifs ? Venez encourager vos favoris sur le parcours ou vivez l'Eneco Tour en direct sur La Une. L'Eneco Tour, le cyclisme en fête du 19 au 25 septembre. En ce moment, chez MyWay Kortenberg, achetez votre voiture d'occasion récente à des conditions vraiment gonflées. Ce samedi 1er octobre, MyWay Kortenberg vous accueille en famille. Animation, château gonflable. Quoi ? Il y a un château aussi ? Les gars, va falloir aider. Et conditions vraiment gonflées sur votre voiture d'occasion récente. Plus d'infos sur myway.be/kortenberg. infos et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, un conseiller communal de Charleroi fait scandale parce qu'on a posté sur sa page Facebook une photo de lui tout nu. Quand on est un homme public politique, est-ce qu'on peut se permettre ça à ce propos? Et à ce propos, pour Sylviane de Dizon, oui, le conseiller communal pouvait se permettre de laisser cette photo. Cette photo a été prise dans le cadre de sa vie privée. Il n'était donc pas dans l'exercice de ses fonctions au moment du cliché. Il était au contraire en vacances sur une plage, entouré de ses amis. Ce n'est pas parce qu'on est un homme politique qu'on n'a pas le droit d'être naturiste, explique Sylviane, qui rappelle que même Angela Merkel a eu ses périodes naturistes. La photo d'Angela Merkel nue avait même été publiée dans un journal. Elle n'a pas été destituée de ses fonctions pour autant. C'est vous qui le dites à te. Pierre, bonjour. Bonjour Benjamin. À Saint-Gilles, en une nuit, un artiste a peint un sexe géant qui n'est pas en érection sur le mur d'une maison face à une école. Avant de nous dire s'il faut l'effacer, est-ce que vous avez trouvé cette fresque belle ? Oh, pas spécialement belle, mais bien faite en tout cas. Il faut l'effacer d'urgence ou on la garde ? Pas d'urgence. À la limite, je suis pour qu'on l'efface. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je trouve que le motif est mauvais. Si on l'efface, c'est parce qu'éventuellement, elle n'a pas à être là, que c'est chez quelqu'un, mais pas parce que c'est devant une école. Sauf que ça, c'est pour une mauvaise raison. Les enfants qui sortent de l'école, ils voient des choses. C'est la vie, finalement. Il arrive toute une série de choses qui ne sont pas toujours belles à voir et toujours vouloir les préserver. Tout que c'est pas spécialement. Oui, mais là, ça s'impose à eux. Le parent qui veut prendre son enfant pour aller au musée voir de l'art très contemporain et très réaliste peut le faire. Là, la fresque s'est imposée aux yeux de tous. Mais c'est pas la première fois. Cette petite croquette qui sort de l'école, forcément, ils voient quelque chose qui s'impose à eux, c'est vrai, mais dans diverses circonstances, c'est comme ça. Et donc, systématiquement vouloir faire en sorte de cacher la réalité, je crois que c'est vraiment un phénomène de société. C'est pas beau de voir arriver un graffiti, mais à la limite, peut-être que certains catholiques y voient un miracle. Et si la raison en face d'une école n'est pas une bonne raison pour effacer, quelle serait la bonne raison pour faire disparaître cette fresque ? Ben, à la limite, je vais vous dire, peut-être qu'il n'y en a pas, mais si il y en a une, ça pourrait par exemple être parce qu'il est interdit de faire des graffitis, et pour éviter que ça se répète, bah, il faut les faire disparaître, parce que forcément, l'auteur de graffitis, il est fier, évidemment, de continuer à avoir son œuvre. Et il est d'ailleurs content que les médias aient bien relayé l'information. Mais donc, vous la gardez ? Vous la gardez ? Moi, je la garderai pas. Si jamais le propriétaire de la maison veut la faire disparaître, déjà, je le ferai pas. Et deuxièmement, bah, effectivement, à la limite, s'il avait demandé l'autorisation à la commune, on lui aurait refusé. Donc, pour cette même raison, je la ferai disparaître. Et donc, je ne comprends pas. Hors graffiti pirate, hors propriété de façade, puisqu'on ne sait pas si le propriétaire de la façade était d'accord ou pas d'accord, mais vous, à titre personnel, vous l'effacez ou vous la laissez ? À titre personnel, si c'est ma maison, je l'efface. Donc voilà, je réponds à votre question. Mais comme ce n'est pas votre maison, vous la gardez. Alors, je le comprends comme ça. Si c'est ma maison, je l'efface. Si la conversation s'impose, on verra quel délai, si vous voulez la garder. Combien de temps ? Ad vitam. Jumet nous appelle. Marianne, bonjour. Marianne est dans la région de Charleroi. Vous êtes là, Marianne. En Flandre, la moitié des proprios balaient les locataires avec un nom qui sonne étranger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Il n'y a pas qu'en Flandre. Du côté du maire, Ronsard, Gilly... ma fille est au CPAS, elle cherche une maison parce que son mari la met à la porte. Et comme elle est au CPAS, toutes les portes se ferment. Mais votre fille a un nom à consonance étrangère ? Oui, elle a un nom polonais. Et elle donne ce nom au téléphone ? Oui, c'est moi qui téléphone, donc je dis que c'est pour madame. Parce que, je ne vais pas donner son nom parce que bon... Mais tout se ferme, et surtout parce qu'on est au CPAS. Donc, à quel moment on est recalé ? Au téléphone ou à la visite ? Vous, c'est déjà au téléphone ? Déjà au téléphone, et alors parfois on nous laisse aller visiter, mais les maisons qui acceptent le CPS, c'est vraiment des taudis, quoi. Sauf que la conversation, elle porte ce matin sur recalé parce que j'ai un nom qui sonne pas belgo-belge. Mais vous, c'est pas à cause du nom, c'est à cause du statut CPS. Le statut social, oui. Statut social, ok, donc c'est hors problématique de ce matin. En Flandre, la moitié des proprios balaient les locataires avec un nom qui sonne étranger ou ceux et celles qui portent le voile. Quelle conversation mènerons-nous ? Rendez-vous après les infos. Comment bien manger quand... On veut profiter à fond de l'automne. Oh, J'espère que t'aimes les pommes parce que je sens que ça va être pour la tienne. Pas forcément. L'automne, c'est aussi le mois des poires chez Deleuze. Savourez nos Durandeaux, doyennés du Comis, conférences et conférences bio. Mmh. Et leur prix ? Un prix à tomber dans les pommes. Ou dans les poires ? Jusqu'au 28 septembre, chez Deleuze, le second ravier est à moitié prix. Profitez-en vite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez ce 25 septembre, la dernière étape de la saison, celle de Bruxelles sans voiture, comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, et puis des milliers de beaux héros, escortés par Joël Skoritz et les Magic Systems, dans la capitale la plus verte d'Europe. Ce dimanche après-midi, sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vivacité présente à Certa Brussels Equiden, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au Stade Roi Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon. Ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequiden.be. Une initiative d'Acerta avec l'ADH et la 2. Vous êtes sur Viva, il est 10h. Le Flash avec Yasmina Favaro, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Une collision tôt ce matin au large d'Ostende, à 30 km de la côte. Deux bateaux se sont heurtés dans la zone de mouillage, une zone où les bateaux restent avant d'entrer dans le port. L'un d'eux effectuait une manœuvre lorsqu'il est entré dans le second. Il n'y a pas de victimes, juste des dégâts matériels, selon le secrétaire d'État en charge de la mer du Nord, Philippe de Backer, qui ajoute que les équipes de sauvetage maritime sont sur place, en mer et dans les airs. Elles surveillent de près la zone par crainte d'une pollution, mais pour l'instant, aucune tache de carburant à l'horizon. Cette fois, le retour sur les bancs, c'est pour les députés wallons rentrés du Parlement aujourd'hui à Namur. Une rentrée marquée par une série d'innovations. Le président du Parlement, André Antoine, veut plus de proximité avec le citoyen. Il propose notamment de tirer au sort des wallons pour participer à certains travaux parlementaires. C'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. Perte de mémoire et de capacité, cette maladie dégénérative touche environ 200 000 Belges chez nous. Pour lutter contre l'Alzheimer, un médicament est en test dans le monde, notamment en Belgique. Il permettrait d'empêcher le développement de la maladie avant qu'elle ne se déclare. Des navetteurs qui râlent car leur train n'arrivera pas. Une image qui s'est déjà répétée près de 32 000 fois entre janvier et juillet 2016, selon le journal l'ADH. 32 000 trains supprimés, donc c'est près de 10 000 de plus que pour l'ensemble de l'année 2015. Cette augmentation s'explique par les problèmes techniques, mais surtout les grèves et les mesures de sécurité après les attentats du 22 mars. Quelles équipes vont rejoindre le club de Bruges et Moucron pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique? Les deux clubs qualifiés donc hier soir. Pour le savoir, 6 matchs de football ce soir. Anderlecht, Louvain, Le Standard, Gael, Westerlo, Tubize, Eupen, Roulers, Esprimont ira à Courtrai et enfin Charleroi reçoit Bocholt, une équipe de division 2 amateur. La météo pour aujourd'hui, un premier jour d'automne au sec avec même de larges éclaircies sur l'ouest du pays. Place aux nuages pour cet après-midi. Quant aux températures, eh bien, elles restent douces pour la saison, entre 16 et 21 degrés. Et on part tout de suite sur les routes avec le point RTBF Mobile Info. Ça coince sur le ring de Bruxelles, Stéphane Piedbeuf. Effectivement, deux accidents s'y sont produits consécutivement. Circulation intérieure à Oeilaert et à Groenendael. Le passage est donc difficile. Il y a des files depuis Léonard en direction de Waterloo. Ceci dit, vous n'allez pas perdre plus de 10 minutes dans ces embouteillages. Et pour ce qui est de la circulation extérieure, eh bien c'est une dizaine de minutes supplémentaires qu'il faut aussi ajouter entre Zaventem et Grand Bigard. Pour rejoindre Bruxelles, la circulation est désormais fluide pratiquement partout. On ajoute quand même 10 minutes sur le 40 qui vient de Liège, où vous ralentissez toujours entre Everberg et Wallis-Saint-Etienne. Et puis on vient d'apprendre un accident sur le 17 Lille-Anvers à hauteur de Grand Centre. La bande de gauche et la voie centrale sont neutralisées. Il y a des files depuis de Pint sur 6 km en direction d'Anvers. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semaine-mob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est vous qui le dites, le débat continue jusqu'à 11h, toujours sur Vivacité, sur la Une Télé avec Benjamin Maréchal. Merci Yasmina, et peut-être à dans une heure. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et à 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Tous les 6 jours, un prisonnier meurt dans ce pays, sauf que le taux de mortalité en prison n'est pas le même partout. Pourquoi on meurt plus à Lantin? C'est quand même bizarre, non? Et c'est ça la question qui dérange de ce matin. D'où viennent les chiffres? Ils viennent de Koen Gaines lui-même. De 2010 à 2015, 301 personnes sont mortes dans nos prisons. Ce n'est pas un petit taux de mortalité, hein, 300 personnes. 92 suicides, 209 morts liés à des maladies, à des overdoses. Et ce qui frappe, c'est que le taux de mortalité est différent d'une prison à l'autre. En première position, Bruges, et puis Lantin, qui est donc la première prison francophone en matière de décès. Vous noterez 30 décès à Lantin, dont 13 par suicide, c'est plus que la moyenne des suicides dans l'ensemble des établissements du pays. Dans ce dossier, Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, plusieurs pistes. On pourra tenter de parler avec Juliette Moreau. C'est la présidente de l'Observatoire international des prisons pour la section belge. On pourra aussi tenter de joindre le directeur de la prison de Lantin, Marc Brizy. Pourquoi on meurt plus à Lantin? Vous avez peut-être un avis, un éclairage. Laissez-le à Marion, au standard. Et le problème pour Karim de Walcourt, c'est la présence de drogue en prison. Le nombre de décès liés à des overdoses est beaucoup trop élevé. La drogue ne devrait pas du tout avoir sa place en prison. Ce n'est pas normal. Alors c'est par là que Karim conseille de commencer à nettoyer pour diminuer ce nombre de décès en prison. Tous les 6 jours, un prisonnier meurt, mais le taux de mortalité en prison n'est pas le même partout. Pourquoi on meurt plus à Lantin? C'est quand même bizarre. Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. À Saint-Gilles, en une nuit, un artiste a peint un sexe géant qui n'est pas en érection sur le mur d'une maison face à une école. Cette fresque doit-elle être effacée d'urgence? En Flandre, la moitié des proprios balayent les locataires avec un nom qui sonne étranger. C'est quand qu'on est recalé? Au téléphone ou au moment de la visite? Et puis un conseiller communal de Charleroi fait scandale parce qu'on a posté sur sa page Facebook une photo de lui tout nu sur une plage naturiste. Quand on est un homme public politique, est-ce qu'on peut se permettre ça? Au 070-233-466, 3 débats sur la table, Marion. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur cette fresque représentant un sexe masculin géant au repos, peint sur une façade de Saint-Gilles en une seule nuit. Faut-il l'effacer d'urgence? C'est la question que l'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Si vous n'avez pas encore vu cette fresque, elle est disponible sur la page Facebook de C'est vous qui le dites, régulièrement dans mon dos si vous nous regardez sur la Une Télé, et vous l'avez peut-être même vu au JT hier soir. Nous sommes donc au-dessus d'un toit sur une façade latérale. C'est là que quelqu'un a peint sur fond noir un sexe au repos. Le dessin est parfait de réalisme. Officiellement, on ne sait pas qui est l'auteur de cette performance, puisque le dessin est apparu en une nuit. Mais hier, dans le JT, toutes les passantes qui découvraient au moment du reportage le sexe géant étaient, c'est le moins qu'on puisse dire, choquées. Ça, mon Dieu, c'est affreux ça, hein? Ah non, j'ai jamais vu. C'est quoi ça? C'est honteux. Moi, je trouve que c'est un peu fort, mais bon, il faut vraiment regarder parce que sinon, on passe inaperçu. C'est incroyable! Réaction des autorités, les chiens de la culture et de la propreté publique ne peuvent pas effacer l'œuvre, il l'a dit hier soir, parce que les ouvriers communaux n'ont pas le matériel et qu'il ne veut pas mettre la sécurité du personnel en danger. Le personnel communal n'aurait pas les moyens d'effacer une fresque sur un toit à Saint-Gilles. Vous avez choisi cette conversation. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ça m'a fait rire, surtout les surtout la suite de la présentation de ce sexe. Le gars, il a fait ça en une nuit. S'il est à l'écoute, je le félicite. C'est magnifique, c'est bien représenté. Mais il y a deux choses. Il y a la performance artistique et puis il y a de l'opportunité de mettre ça dans l'espace public, face à des passants, face à des enfants et face à une école. Est-ce que ça, c'était opportun? Qu'on arrête un peu cette pudeur cato. C'est de la pudeur cato. Vous avez vu dans le JT hier soir que 4 dames qui découvraient la fresque étaient plutôt hostiles. Oui, ça m'a encore fait rire, j'ai encore plus ri, parce qu'on dirait que ce sont des femmes qui n'ont jamais vu le sexe d'un homme. Alors question, à Saint-Gilles, en une nuit, un artiste a peint un sexe géant qui n'est pas en érection sur le mur d'une maison face à une école. Est-ce que cette fresque doit être effacée d'urgence? 070-233-466, SMS au 3063, et dans un instant dans la région de Courcelles, Karine, qui a bien vu cette image, nous dira si on l'efface. C'est vous qui le dites. est toujours gagnant chez Intermarché. Et plus encore ce samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés. Horaires en magasin. Tous les jours, un nouveau sac. Grâce au shopping chez Veritas. Pour la journée ou en soirée. Prenez-en deux, c'est tellement mieux. Jusqu'au 26 septembre, 20% sur votre sac à main préféré. Aussi en ligne sur veritas.be. Veritas. Fait par moi, fait pour moi. Vivacité vous invite à l'avant-première de Brise de Nice 3. Je m'as bien regardé là. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien voir ta gueule, mais juste un soir pour Halloween. Jean Dujardin revient avec son personnage culte dans une suite désopilante. Pour y assister en présence de Jean Dujardin le 29 septembre à Bruxelles et Braine-l'Alleud, composez le 0905 56 473. 50 cents par appel. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalle pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Vivacité présente Éric Antoine, Magic Delirium. Magie. Le show magicomique d'Éric Antoine. Un mélange d'humour, de magie, de musique et de grande illusion. On va s'éclater! Au Cirque Royal de Bruxelles le dimanche 6 novembre à 17h. Infos et réservations, ticketmaster.be 02 218 20 15. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Bonjour, je suis Donald Meul. Depuis 35 ans, chaque cuisine de vie est conçue comme je le ferais pour moi. Donc, je choisis toujours la meilleure qualité. Par exemple, pour la finition de nos armoires, je n'utilise pas de mélamine, mais bien du stratifié très solide. Avec de vie, vous choisissez une cuisine belge sur mesure et pour le meilleur prix. Cuisine de vie fête ses 36 ans avec 36 journées folles. Maintenant, lave-vaisselle gratuit, tac à induction plus casserole assortie en cadeau. Conditions sur dovi.be. Nous créons votre cuisine. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. À Saint-Gilles, en une nuit, un artiste parvient à peindre un sexe qui n'est pas en érection sur un mur latéral. Vous avez choisi cette conversation. Tous les habitants de Saint-Gilles n'ont pas encore découvert l'œuvre, car il faut légèrement lever la tête. Mais quand on regarde la localisation et la position, ce sexe géant est installé juste en face d'une école, juste en face de l'Institut des Filles Marie, où se trouve une section maternelle, primaire et secondaire. Les enfants donc de tous les âges sont potentiellement confrontés à cette œuvre. On ne connaît pas encore l'artiste, du moins officiellement, pas de révélation de nom. Et la position de la commune, quand on demande à l'échevin de la culture ce qu'il compte faire, il a répondu hier soir dans le JT, il est à la fois échevin de la culture et la propreté publique, il dit « Ah bah, les ouvriers communaux n'ont pas le matériel, on va quand même pas les mettre en danger pour une fresque et pour un sexe géant aux glands dévoilés. » Allez voir cette photo sur la page Facebook si vous ne l'avez pas encore croisée. 070-233-466 par SMS au 3063. S'ouvrait, Karine est en ligne, bonjour. Bonjour. Vous avez vu l'image et il y a un choix à faire. Est-ce qu'on doit l'effacer d'urgence? Ben évidemment, évidemment. Ah, ça a l'air d'une logique implacable. Pourquoi? Évidemment, un jeune, ça se respecte. C'est quoi ces femmes qui rigolent en fait? Je comprends pas. Je comprends pas, elles n'ont pas eu d'enfants, elles ont été traitées comment? On respecte pas les jeunes en mettant ça devant une école? Ben évidemment que non. C'est ça qu'on veut leur montrer de la société. On ne vit déjà que de la violence tous les jours. À la télévision. Germaine a rigolé. Germaine à Chauffontaine a rigolé. Elle a dit, si vous êtes contre la fresque, vous êtes dans de la pudeur catho, madame. Mais ça n'a rien à voir avec du catholicisme. C'est absolument choquant. Nos enfants ont droit à autre chose que ça, quand même. Mais on nous dit, comment moi j'ai entendu ça. On nous dit que les enfants ont déjà vu. Je l'ai entendu dans la première heure. Les enfants ont déjà vu des trucs. C'est pas un sexe géant qui va les impressionner. Oh, ben c'est bien, hein. Mais c'est pas de l'art, c'est de la pornographie. C'est de la pornographie. Il y a des choses tellement jolies qu'on peut montrer, tellement belles. Moi, dans mon coin, j'entends que ça, des mères qui disent n'importe quoi à leurs enfants. Allez, gogol, prépare-toi, prépare-toi. C'est ça qu'on veut? Pourquoi la commune laisserait de la pornographie? Parce que si c'était de la pornographie, on peut imaginer que la commune aurait foncé. Mais là, l'homme qui gère la propreté publique dit « Ah, on va pas mettre les ouvriers communaux en danger. » n'importe quoi. Les gens qui dirigent la commune, c'est comme ça qu'ils réagissent. C'est un grand n'importe quoi. D'ailleurs, celui qui l'a fait, il aurait dû d'abord demander l'avis, un accord. Normalement, il ne l'aurait pas reçu. Et si franchement, il avait dû le recevoir, il y a de quoi se poser des questions. Karine, est-ce qu'au minimum, sur le plan artistique, vous trouvez cette fresque et ce pénis géant, est-ce que vous trouvez cette fresque belle? Mais ce n'est pas de l'art, c'est de la pornographie. L'art, ce n'est pas ça. Premièrement, un artiste, il a du respect, premièrement pour lui et pour lui-même. Alors, celui qui veut se mettre comme ça, à poil devant les autres, déjà, il prévient les adultes. Et les enfants n'ont rien à faire là. Pour comprendre c'est votre positionnement, ce qui est pornographique là-dedans, c'est l'apparition d'un sexe tout court ou c'est l'apparition de ce gland qui est dévoilé? Qu'est-ce qui est pornographique là-dedans? Ben, l'apparition d'un sexe. Chaque chose a son, chaque âge a ses choses. Allez, franchement, un enfant, est-ce qu'on a pas autre chose à lui montrer? C'est les femmes qui rigolent. Elles montrent quoi à leurs enfants? Ça? On le laisserait pas quelques jours quand même au nom de la liberté artistique? Liberté artistique, allez, quoi? On se moque de qui? Donc ça c'est un non, c'est un non. Même pas quelques jours, je le note sur mon petit document, même pas quelques jours, vous avez vu là une fresque pornographique. Chacun avec sa lecture de ce qui se passe en ce moment face à une école au-dessus d'un toit de maison. Allons à Jemeppe-sur-Sambre. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Vous avez vu cette fresque en photo? Oui, je trouve ça un peu aberrant de laisser ça à une façade. On l'efface d'urgence? Mais certainement. Mais j'ai bien dit d'urgence. Je vous demande pas si on l'efface à terme dans quelques semaines. Est-ce qu'on l'efface d'urgence? Mais oui, certain. Mais pourquoi? On l'efface d'urgence, ça ne doit pas rester comme ça. Mais pourquoi? Enfin, ce n'est pas possible. Demain, on va voir sur un autre pignon de maison un vagin d'une femme et la semaine d'après, ce sera les 36 positions du Kama Sutra. Il y a des enfants là-devant. Mais on nous dit qu'il y a un parti pris artistique qui est celui de la provocation, comme parfois l'art peut choquer. Il y a un parti pris artistique dans une société qui a déjà vu un pénis. Mais il n'y a aucun sens artistique à ça. Enfin, les gens qui ont fait ça, ce sont des irresponsables. Comme je dis, ce sont des rabotés du cerveau, tout simplement. Qu'ils se rendent utiles plutôt à aller faire des fresques dans une école, ça c'est bien ça. Quel est le risque quand des enfants de l'Institut des Filles de Marie, quand des enfants primaires vont sortir, lever la tête et voir cette fresque, quel est le risque pour ces enfants? Ben, ils vont être traumatisés. Enfin, moi, j'ai un fils qui a 18 ans. Je n'ai jamais vu mon fils qui faisait allusion à des scènes porno. Ce n'est pas... Non, c'est l'éducation des gens. C'est porno? Renversons la situation, mettez ça à votre pignon, vous le laisserez. Non, je ne pense pas. Attendez, je vous le demande, voilà. Parce que dans la première heure, Germaine ne m'a pas dit que c'était porno. On en a discuté avec Ina qui voulait, oui, retirer la fresque, mais elle n'a pas dit que c'était porno. Et on peut continuer la liste. Mais si moi je trouve que c'est porno, en plus que la commune vous dit, si on n'a pas les moyens ni les ouvriers, allez, il faut arrêter, hein. C'était un ridicule affolant, quoi. Et pourquoi la commune? Si c'est une excuse bidon, parce que vous avez l'air de le sous-entendre, pourquoi la commune laisserait ça? Elle aime voir un sexe en non-érection sur une façade? Non, je crois tout simplement que l'échevin qui est en charge de cette mission est irresponsable, enfin. Sur le plan artistique ou sur le plan pornographique, est-ce que le dessin est bien fait? Il est peut-être réaliste, oui, mais... Je ne vois pas l'intérêt de faire une chose pareille. Réaliste, oui. Jean-Paul, ces gens sont des irresponsables. Et l'auteur n'est pas connu, hein, pour l'instant. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de revendication. On comprend bien qu'il y a une opération derrière, qu'il y a sans doute quelqu'un derrière, mais on ne sait pas qui. Chauffontaine est en ligne dans C'est vous qui le dites. Françoise, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que cette verge est bien dessinée? Bon, moyen. La couleur est surtout moche. La couleur et le réalisme, oui. Parce que c'est ça l'enjeu de l'artiste. Apparemment, il a voulu être dans le réalisme. Oui, oui, oui. Mais enfin, je trouve que faire ça en face d'une école, disons, moi j'ai 4 filles, elles ont toujours vu leur père tout nu, donc ça n'a pas les choquer. Elles savent ce que c'est un pénis. Mais franchement, aller étaler ça dans une commune comme Saint-Gilles, et je pense que quand le gouvernement, enfin le les gens qui dirigent la commune disent qu'ils ne peuvent pas l'effacer, moi je trouve qu'en mettant deux, trois couches de couleur dessus, ils peuvent très bien l'effacer. Françoise, vous êtes l'incarnation de ceux qui disent, y compris par SMS au 3063, écoutez, les enfants ont déjà vu bien des choses. Si vos filles ont déjà vu leur père tout nu, c'est le genre d'attribut qu'elles connaissent, donc ce n'est pas une révélation au monde. Non, sûrement pénis. Pas. C'est pas une révélation si elles ont déjà vu. Alors en quoi ça choque? Ah oui, non, c'est pas une révélation. Eh ben alors. Mais enfin, elles savent ce que c'est. Eh ben alors, en quoi ça les choque, puisque c'est pas la première fois qu'elles sont confrontées à un pénis. Mais parce qu'on ne met pas un pénis comme ça énorme devant une école d'enfants, voilà, je trouve ça très moche. Mais quand on est dans une démarche artistique qui vise peut-être la provocation, peut-être une réflexion dont le sens nous échappe en ce moment, quand on a un objectif artistique. Je trouve que ce n'est pas du tout artistique pour ma part. On la laisse un peu le temps du débat ou on l'efface d'urgence? On l'efface d'urgence. Pour ma part, c'est mon avis. C'est de la censure? Pas vraiment, mais enfin, ça ne doit pas rester où ça est. Mais effacer d'urgence une œuvre artistique, c'est pas ça la censure? Non. Pour moi, ce n'est pas une œuvre artistique. Dernier élément, Françoise, parce que c'est un point de discussion. Ce pénis géant qui n'est pas en érection n'est pas à hauteur des yeux. Il n'est pas à hauteur des voitures, à hauteur des camions, à hauteur des trams. Il est en hauteur. Il faut lever les yeux. Et on a bien vu dans le reportage d'hier soir que beaucoup de passants passaient sans rien voir. C'est au moment où on lève les yeux qu'on voit. Du coup, est-ce que c'est acceptable? Mais écoutez, comme on en parle beaucoup, je suis sûr que les gens qui vont passer devant vont lever les yeux pour le voir. De toute façon, alors on l'efface d'urgence, me dites-vous. Karine efface d'urgence, Jean-Paul efface d'urgence, Françoise efface d'urgence. Dans un instant à Namur, Vincent a vu cette fresque, a vu ce pénis géant au gland dévoilé qui n'est pas en érection. Il nous dira si on la laisse un peu, le temps de laisser l'art s'exprimer. Bonjour, c'est Philippe Jauniaux. Ce samedi 24 septembre, c'est la journée du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vivacité s'y associe. Nous serons en direct d'Andenne entre 14 et 16 heures pour une émission spéciale consacrée au trophée commune sportive. Avec David Bertrand, nous recevrons également nos sportifs de haut niveau. La fête du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est ce samedi à partir de 14 heures sur Vivacité. Télé sur la Une. René Tonneau, le comptable de l'Office Wallon des Déchets, vient donc d'être intercepté. L'Office Wallon des Déchets, plus que jamais sur la sellette. À la SNCB aussi, c'est le scénario catastrophe. Austérité et libéralisation auront-ils raison de notre fleuron du rail ce mercredi soir dans Question à la Une. Vous avez raté un ou plusieurs épisodes de la deuxième saison de la websérie Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez vos épisodes où, quand et comme vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Bann. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le Tip Top, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Ce message s'adresse à vous qui travaillez durement pour votre argent ou disposez d'actions depuis longtemps. Vous qui ne savez plus comment gérer vos investissements dans ce contexte aussi changeant. Pour vous, CBC met à disposition des conseillers qui vous feront des recommandations sans se défiler, tenant compte de l'actualité et des avis de nos analystes financiers. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Au 070-233-466, Marion, face à ce pénis géant, l'impression que si ça avait été un sexe féminin, ça aurait été moins dur à regarder. Oui, pour une fois que ce n'est pas une partie de corps féminin qui est exposée à la vue de tous, eh bien pour Laurie de Jambes, eh bien la fresque doit rester tous les jours dans la rue. Nous sommes confrontés à des publicités de corps féminin dénudés. Ici, c'est une peinture seulement, pas un vrai corps. Mais ce qui plaît surtout à Laurie, eh bien c'est que pour une fois, c'est une partie de corps masculin. Alice Dodergem, pour elle, la fresque doit rester aussi, pour la simple et bonne raison que la peinture représentant un vagin à Sainte-Catherine et l'autre représentant l'origine du monde dans le centre de Bruxelles-Ville, eh bien ces deux peintures n'ont pas été effacées ou n'ont pas été recouvertes. Pourquoi faudrait-il effacer ou recouvrir celle de Saint-Gilles? Voilà la question de Alice. C'est vous qui le dites à Namur. Vincent, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous avez vu la fresque? Karine, oui, Jean-Paul, Françoise veulent qu'on efface ça d'urgence. C'est une œuvre pornographique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas porno? Parce que... Bon, non, c'est un sexe d'homme. Vous n'allez pas me dire que tous ces enfants n'ont jamais vu leur papa tout nu. Ou alors, moi je veux dire... vous savez, à la sortie des écoles, voilà, souvent dans le centre-ville, surtout dans les centres-villes, bon, les voitures sont poussiéreuses. Vous avez déjà vu le nombre de zizi qui sont dessinés par les enfants eux-mêmes? Sur les vitres arrière ou Est-ce qu'on est dans le même genre de dessin? Est-ce qu'on peut comparer le zizi dessiné par un enfant de manière un peu enfantine avec cette œuvre très réaliste d'un sexe au gland dévoilé? Est-ce qu'on est dans le même genre d'œuvre artistique? Non, c'est une œuvre d'adulte, je suis bien d'accord, c'est plus réaliste. Mais enfin, bon, vous savez, les enfants qui dessinent ce genre de choses, les enfants savent déjà dessiner ça. Ou alors, il faut mettre sous clé les livres d'art. Hein. Je veux dire, si vous avez des livres d'art à la maison, des Raphaël montrant des photos de Raphaël, de tous les artistes, même les billets de banque français, là, où on voyait Jeanne d'Arc avec ce sein, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Non, à un moment Vincent, donné, alors, vos mots vous ont trahi. Vous avez dit c'est une œuvre d'adulte. Vous m'avez dit il y a deux secondes c'est une œuvre d'adulte. C'est-à-dire que la technique est celle d'un adulte, mais la représentation est la même. C'est comme une caricature. C'est une forme de bande dessinée, mais c'est un message d'adulte, bien souvent. Mais si c'est message d'adulte, on peut supposer qu'il s'adresse à des adultes. Or, ici, on l'impose à des enfants de maternelle, de primaire et de secondaire. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'un enfant ne serait pas capable de dessiner cela, c'est tout, d'un point de vue technique. Mais je n'ai pas dit qu'une œuvre d'adulte ne pouvait pas s'adresser à des enfants. Est-ce qu'il est sexualisant? Est-ce que ce dessin est sexualisant? Moi, je ne pense pas. Je pense que les enfants, même dans des films qui sont soi-disant parfois comiques, on voit des papas tout nus. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup de bruit pour rien, quoi. Je veux dire, comme disait Shakespeare, hein, much ado about nothing. Non, moi, je trouve pas ça choquant. À la limite, je la laisserais même. Les mamans n'ont qu'à leur dire, si les enfants posent la question, ben, c'est un zizi comme papa en un, quoi. Voilà. Et vous la laissez combien de temps? Vous la laissez ad vitam aeternam? Ben non, moi, à mon avis, c'est au propriétaire de choisir s'il veut la laisser sur sa façade ou pas, c'est tout. Mais voilà. Alors, tant qu'à faire... spécialement choquant. On n'aurait pas mieux fait de dessiner ce sexe géant à hauteur des yeux, alors? Non pas au-dessus des toits, mais bien à hauteur du tram et des voitures? Ça n'aurait pas été plus facile? Je sais pas. L'artiste a choisi un endroit où il avait la place pour le faire, je suppose. Voilà. Vincent, est-ce que ce sexe est beau? Est-ce que c'est beau? Beau... Il est réaliste. Je dirais que... Bon, j'ai fait des études d'art, donc je dirais que, oui, techniquement, en une nuit, c'est bien. Mais sinon, bon, c'est pas... je veux dire, c'est pas le genre de tableau que je mettrais chez moi, non, parce que, simplement, je le trouve pas spécialement... Alors, dernière chose, je comprends pas. C'est pas le genre de tableau que vous mettriez chez vous, mais c'est le genre de tableau que vous voulez devant les écoles. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que moi... C'est pas le sujet qui me dérange, c'est le fait que, je sais pas, le noir, blanc, comme ça, non, je n'aime pas. On la laisse alors, on la laisse et ce sont les parents qui n'ont qu'à expliquer. Vincent, on la laisse, vous êtes le premier en quatre conversations à le dire. Allons à la Vaux-Sainte-Anne. Francine, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Est-ce que ce sexe est beau? Je vous parle d'abord d'artistique. Est-ce que ce sexe est beau? Non, absolument pas. On l'efface d'urgence? Bon, on ne l'efface pas. Pour celui qui sait ce que c'est qu'un sexe, ben ce sont les adultes. Ça peut les choquer ou c'est pas très représentatif. Parce que moi, ça me fait penser à... une grosse limace. Mais pour ceux qui savent ce que c'est un sexe, visiblement tout le monde sait ce que c'est un sexe, même les enfants. Un enfant qui voit ça, je suis désolée, je suis une adolescente, je vois ça, je fais une croix sur l'homme pour toute ma vie. Hein. Je reste lesbienne, hein. C'est pas joli du tout, c'est pas représentatif d'un vrai sexe d'homme. Je suis désolée, c'est surfait. Donc l'impact, c'est pas sur les garçons, l'impact c'est sur les jeunes filles de l'institut qui est en face. C'est rigolo, elles vont en rigoler, elles vont pas se scandaliser à l'heure actuelle, elles vont en rigoler. Mais devant une école, il y avait... Je ne vois pas le fond du message de ça. Devant une école, il y avait quand même d'autres choses à faire, comme une ronde enfantine, avec toutes les nationalités, le bien vivre ensemble, l'amour, le partage, se comprendre. Et tout ça n'est pas résumé dans le pénis. L'amour, le partage, tout ça ne peut pas être évoqué par cette image de pénis. Non, je suis désolée, on va pas coucher avec tout le monde quand même, hein. Mais alors, parce qu'on m'a dit devant une école, il y avait autre chose à faire. Ça sous-entend que vous seriez favorable. Excusez-moi, mais un jeune enfant qui ne sait pas ce que c'est, parce qu'il y en a encore des jeunes qui ne savent pas ce que c'est, il regarde ça, eh bien, moi, j'ai des petits-enfants, j'ai des arrière-petits-enfants, je regarde ça, je dis c'est quoi ça ? Ça ne me choque pas. Mais ça, c'est un questionnement, parce que moi, on me dit qu'il n'y a plus personne qui ne sait pas ce que c'est. Même les enfants dessinent des zizi sur les voitures et sur les carreaux. M'a encore dit Vincent, il y a deux ans. Bien sûr, un enfant il a beaucoup d'imagination. Donc, on parle d'un zizi, ils ont déjà vu leur papa, ils vont dessiner un petit zizi entre les jambes, c'est tout. C'est pas... Mais ça, c'est... Allez, vous avez vu ça, c'est pas... D'abord, c'est bien simple, un pénis au repos, le gland ne sort pas, hein, déjà. Hein, je suis désolée. Hein. C'est ça qui rend le dessin sexualisant ? Je sais pas. C'est le gland dévoilé qui rend le dessin sexualisant ? Peut-être, oui. Oui, pour celui qui le sait, pour celui qui sait, oui. Mais pour celui qui sait pas très bien ce que c'est, qui le devine ou qui se pose des questions à un certain âge... Bon, mais vous, comme vous savez, puisque vous savez, que vous avez déjà vu... Je vous repose cette question. Est-ce qu'on est face d'urgence ? Parce qu'avec ce que vous m'avez dit de l'impact sur les filles, ça laisse sous-entendre qu'on est face. On est face ou pas ? Moi, ça me... Si j'étais une fille, je l'aurais regardé une fois ou deux, j'en aurais rigolé. Si je me mets quand j'avais 10 ans, j'en aurais rigolé et puis ça ne m'aurait plus impressionné. Bon, bah alors nous voilà avec cette position sucrée-salée, Francine. Devant une école, il y avait autre chose à faire, mais malgré tout, on le laisse. Il est 10h30... C'est l'heure de la proportion maintenant. Dans les appelants de ce matin, Marion, combien estime que la fresque aurait pu rester si elle n'avait pas été en face d'une école ? Alors 65% estiment que c'est la location de cette fresque qui est gênante. Le fait qu'elle soit devant une école, eh bien, c'est tout simplement déplacé. Les enfants ne vont pas comprendre la démarche artistique de l'artiste et pour cette raison, uniquement, il faut l'effacer ou au pire, la reproduire sur une autre façade qui ne se trouve pas devant une école. C'est le RTBF Mobile Info qui nous attend, Stéphane. Un accident sur le 400 Namur-Bruxelles hauteur dégueusée, la bande de droite est neutralisée en direction de la capitale. Aux portes de Bruxelles sur l'E40 qui vient de Liège, encore des ralentissements entre Sterrebeek et Woluwe-Saint-Etienne, mais vous perdez moins de 10 minutes dans ces files. Et puis deux accidents, toujours sur le ring de la capitale en circulation intérieure à Ullart et à Groenendaal. Le passage est difficile depuis le carrefour Léonard en direction de Waterloo. Vous ajoutez un petit quart d'heure supplémentaire et pour ce qui est de la circulation extérieure, c'est 10 minutes de plus à ajouter entre Strombeek-Bever et Wemmel en direction de Grand Bigard. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Tous les 6 jours, un prisonnier meurt en prison dans ce pays, mais le taux de mortalité n'est pas le même partout. Pourquoi on meurt plus à Lantin ? C'est quand même bizarre. J'attends un nom après la pause. Aujourd'hui, on va travailler les poignets. On relâche bien, on prend le changement de vitesse et... On passe la première, puis la deuxième et la troisième. Bien souple le poignet et un et deux et la troisième. Bien ! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicament ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Excusez-moi, oui? La Peugeot 208, là, le parc assist, elle l'a? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui? Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Et hop, le bon plan en septembre, c'est d'acheter une Citroën au Garage Pigeon. Garage Pigeon, 50 ans de Citroën, ça forge la confiance. Et durant ce mois de septembre, prime de reprise intéressante. 50% de remise sur les options et des offres alléchantes sur les véhicules de stock. Garage Pigeon, 59 rue Général Le Mans, Heiterbeek. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Les prix chutent comme les feuilles, quel que soit votre style. Vous trouverez votre bonheur pour votre habitation au Carrelage Salvatore. Il est temps de vous faire plaisir avec des collections à tout petit budget. Des prix vraiment plus qu'accessibles. Des milliers de mètres carrés de carrelage à tout petit prix. Venez découvrir nos offres exceptionnelles dans nos showrooms de Villevorde et Rode-Saint-Genèse. .be. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Ce sont donc des chiffres donnés par Koen Gaines, ministre de la Justice, de 2010 à 2015. 301 morts dans nos prisons, ce n'est pas un petit taux de mortalité, c'est conséquent, hein. Tous les 6 jours un prisonnier meurt. 92 suicides, 209 décès liés à des maladies, à des overdoses. Mais ce qui frappe, c'est que le taux de mortalité est différent d'une prison à l'autre. En première position en matière de décès, Bruges, et puis Lantin, qui est donc la première prison francophone. Lantin avec une particularité supplémentaire, on y compte 13 suicides, soit plus que la moyenne des suicides dans l'ensemble des établissements. À titre de comparaison, à Verviers, 2 morts, à Marche-en-Famenne, 0 mort, à Lantin, 30 morts. Dans ce dossier, vous cherchez le bon interlocuteur, Mélanie Joris, avez-vous un nom à nous donner ? Oui, tout à fait, nous parlerons avec Benjamine Bovy, elle est avocate et membre de l'Observatoire international des prisons pour la section belge. Et pour revenir à ces chiffres, eh bien, du ministre de la Justice, Koen Gaens, on retrouve sur le podium à la fois la prison de Bruges en première position, la prison de Lantin en deuxième position et la prison de Saint-Gilles en troisième position. Ce sont les trois prisons avec le taux de mortalité le plus élevé. Et vous l'avez dit, à Lantin, sur les 30 morts que l'on dénombre, eh bien 13 sont liés à des suicides. Il y a donc 13 suicides et ce chiffre n'est pas surprenant. Les statistiques le montrent. Le taux de suicide en prison est de 7 à 11 fois plus élevé que la normale. On peut se demander si cette mortalité en prison est liée à la vétusté des installations, à la surpopulation carcérale ou encore à l'état de santé ou psychologique des détenus quand ils arrivent en prison. On posera ces questions à Benjamin Bovy. Vous avez peut-être un éclairage qui peut nous aider à construire la conversation de tout à l'heure. Laissez-le à Marion Standard. Et le problème pour Étienne de Juppy, c'est la surpopulation carcérale. Les conditions de détention sont tellement mauvaises en Belgique que les détenus ne tiennent pas le coup. Autant de décès, ce n'est pas normal. Les détenus ont reçu des peines de prison en année, pas des peines de mort. Pourquoi on meurt plus à Lantin ? C'est quand même bizarre, non ? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur ce pénis géant à Saint-Gilles. En une nuit, un artiste a peint un sexe géant qui n'est pas en érection sur le mur d'une maison, face à une école, gland dévoilé. Cette fresque doit-elle être effacée d'urgence ? 070-233-466 par SMS au 3063. Nous sommes maintenant à Oluwé-Saint-Lambert. Maria, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a un scandale sur ce toit de Saint-Gilles ? Oui, parce que je félicite le peintre parce que c'est bien fait, c'est très réaliste, mais si c'était dans un musée, je serais pas choquée. Si c'était dans un endroit qu'on veut cacher des vieux bâtiments et que c'est mis très en haut avec d'autres fresques, ça me dérangerait pas. Mais là, j'ai suivi l'émission et les gens, est-ce qu'ils ont peur de parler ? Est-ce qu'ils ne comprennent pas ? Bon, la dame avec son cateau, je l'ai trouvé ridicule, mais Maria, qu'est-ce qui vous gêne alors ? Ce que les gens n'ont pas fait attention, c'est que c'est le sexe ou d'un noir, ou d'un métissé, ou d'un arabe. Devant une école catholique, c'est juste un choix de couleur, Maria. Maria, vous me permettez de vous signaler que ce n'est pas sur base d'un choix de couleur qu'on peut déterminer. C'est un choix artistique qui ne dit pas une nationalité, ni une race, ni une couleur, ni une ethnie. Écoutez, pour... Ben déjà, nous les catholiques et les européens, bon, on n'est pas circoncisés, donc ça peut être que juifs ou arabes. Les juifs ne sont pas des provocateurs, donc je ne sais pas. Moi, je crois que c'est un message devant alors, une école. Je vous laisse la lecture artistique de cette œuvre sur le choix et sur ce qu'elle signifie. Vous êtes à Olué Saint-Lambert. 10h38, on appelle les experts. Échevin de la culture et de la propreté publique à Saint-Gilles, Karl Leuk, c'est en ligne. Bonjour. Bonjour. À ce stade, pouvez-vous nous donner le nom de celui qui a fait ça? Non, ce serait bien malin de le savoir. Non, pas du tout. Ce n'est pas un truc qui est orchestré par la commune? Vous n'êtes lié ni de près ni de loin? Ça n'a pas été commandité par la commune, je peux vous l'assurer. Hier, dans le JT de la RTBF, on vous demande si vous allez effacer cette fresque et votre réponse est la suivante. Non, parce que les ouvriers communaux n'ont pas le matériel. C'est une manière déguisée de dire que vous allez conserver cette fresque? Ça n'est pas ça non plus. De toute façon, nous avons un collège demain matin où on va décider. Mais ce qui est clair, c'est que nos ouvriers communaux ne sont pas outillés pour, même si nous avons 3 équipes spécialisées pour enlever les graffitis, là il faut qu'ils risquent leur vie et donc ça on ne peut pas prendre la responsabilité. Ok, donc c'est un manque de matériel. Est-ce que cette œuvre vous choque? Matériel et de personnel spécialisé parce que l'artiste qui a fait ça s'était osé à 2 titres, d'une part le sujet même et d'autre part comment est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a grimpé là-dessus, est-ce qu'il avait une échelle, il a risqué sa vie. Quoi. Est-ce que vous, échevin de la culture, est-ce que vous validez cette fresque ou elle vous choque? Mais j'ai vu pas mal de gens qui sont passés devant. Certains sont choqués, d'autres apprécient, donc c'est assez diversifié. Pour moi, je ne suis pas choqué. Ce n'est pas pornographique. C'est un sexe qui est en repos, comme on dit. Et donc c'est, comme je l'ai déjà dit, un détail d'un être humain. Donc c'est la nature même. Quoi. Mais il y a une localisation. Et certains s'offusquent de voir un dessin pareil laissé sur une façade devant une école. Avez-vous eu un contact avec la direction de cette école, l'Institut des Filles de Marie? Quelle est leur position? Je n'ai pas eu de contact, mais je peux comprendre que les gens soient choqués. Donc c'est pour ça aussi que je dis que ça n'a jamais été commandité par la commune. Donc si des gens apprécient ce genre d'œuvre d'art, ils peuvent en acheter un et le mettre chez eux, à la maison. Ici, on est dans l'espace public. Est-ce que le propriétaire de la façade latérale qui a servi a donné son accord au dessin? Je ne crois pas, mais en tout cas, je ne peux pas le dire, puisque nous essayons d'être en contact avec lui ou avec elle. Donc c'est le service de l'urbanisme qui s'en occupe, et donc je ne suis pas sûr que le contact a déjà pu être établi, parce que nous demandons au propriétaire ce qu'il veut en faire, s'il veut porter plainte ou s'il veut préserver. Donc de toute façon, en général, nous ne pouvons pas enlever des graffitis d'immeubles privés si nous n'avons pas l'accord du propriétaire. Est-ce que la commune va porter plainte contre l'artiste qui a fait ça? Le collège ne s'est pas encore réuni, donc là je ne peux pas m'avancer. Quelle est la position que vous défendrez au collège? C'est plutôt une position qui accepte ou plutôt une position qui sera à l'offensive, à l'attaque? Je reste ouvert au dialogue d'abord. Il faudrait qu'on discute les pour et les contre, etc. Donc ça, je ne peux pas m'avancer encore aujourd'hui. Dernière chose, sur tout le territoire de Saint-Gilles, qui est votre commune, d'autres œuvres du même genre? Nous n'en avons pas jusqu'à présent. Il y a une œuvre qui est sur la place Stéphanie, mais du côté Bruxelles, Wixelles, de Bonhomme, qui est aussi un peu choquant. Mais, il y a d'autres images dans la capitale, notamment celle d'un sexe qui pénètre vraiment. Vous restez donc dans une position ouverte en attendant le collège de demain. Vous êtes Karl Leuk, l'échevin de la culture et de la propreté publique. On va au 0 septembre 233 466. Marion, ce serait donc tout ça l'incarnation du surréalisme à la Belge. Voilà, plusieurs références du surréalisme belge au standard. Philippe de Spa pense que l'artiste a sûrement oublié d'écrire en dessous « Ceci n'est pas un pénis en dessous de la fresque » en référence à notre René Magritte, très célèbre. Alors Philippe pense que l'artiste a dû manquer de temps, faire tout ça en une nuit, à son avis, il a dû manquer de temps et donc c'est pour ça qu'il n'a pas mis cette phrase. Roger Dehucle est d'accord avec Philippe. Roger fait aussi une référence à René Magritte. Il explique que si la commune rajoute « ceci n'est pas un pénis en dessous », eh bien alors là, ça passerait aux yeux de tout le monde. Tout le monde serait d'accord pour dire que c'est du surréalisme et que donc c'est une œuvre d'art et qu'elle peut rester. À Rebec, Christophe, bonjour. Bonjour. Si vous aviez l'artiste en face de vous, vous le félicitez ? Oui, parce que ça, on vient rajouter quelque chose à Bruxelles. Bruxelles qui est quand même déjà mondialement connue pour son mannequin piece. Donc voilà, ça c'est quelque chose en plus dans ce registre-là, d'un point de vue artistique, je trouve. Est-ce que c'est sur le même pied ? Est-ce que Mannequin Piece a quelque chose de très enfantin, dans le fond ? C'est un petit garçon qui fait gentiment pipi et l'attribut masculin est discret sur Mannequin Piece. Ouais, ça c'est déjà une question d'interprétation. Enfin, là-dessus, j'ai pas trop d'avis, mais moi je trouve que ça peut aller ensemble. Hein. Et en plus, là, sur votre reportage hier à la télé, on disait qu'il y avait déjà 3 ou 4 œuvres de cet ordre-là. Donc, Bruxelles, comme Bruxelles est une ville où on est connu pour ses city trips où on visite les fresques de BD, pourquoi pas un sex trip, il faudrait entendre les chemins du tourisme aussi là-dedans, quoi. Un mot sur la position de la commune, on vient donc de parler à l'échevin qui est dans une position totalement ouverte, ni contre, ni pour, regardons un petit peu comment les choses vont évoluer. Est-ce que vous auriez attendu de la part d'une commune une position plus claire ? Moi, ce qui me dérange, c'est la sorte de conflit d'intérêts entre le portefeuille culture et immondices et nettoyage. On dirait que là, l'aspect nettoyage des immondices prend le dessus sur l'aspect culturel et on n'a pas vraiment une voix qui défend l'aspect artistique des choses. Il n'a pas les moyens de faire effacer. On ne va pas mettre la vie des ouvriers communaux en péril. Ça c'est l'avis de l'échevin de l'immondice, mais quel est l'avis de l'échevin de la culture finalement là-dessus ? On n'en sait rien. C'est le même, c'est ça la particularité. Carlo Leux, il est à la fois échevin de la culture et échevin de la propreté publique, il a la double casquette. C'est un élément en plus pour le patrimoine de Bruxelles, me dites-vous, Christophe Rebec. Laken, Jennifer, bonjour. Bonjour. Vous l'avez vu en photo ce sexe ou vous l'avez vu de vos yeux vus ? Non, je l'ai vu en photo via votre émission. En fait. Est-ce qu'on l'efface d'urgence ? D'urgence, je pense que oui, il est nécessaire, car il y a un âge pour montrer certaines images de sexe et de parler de sexe à un enfant. Je trouve que c'est un peu scandaleux et que le bourgmestre... Je trouve qu'à partir de 12-13 ans, quand les premières menstruations et les premières... les premières petites hormones commencent à travailler, je pense qu'à ce moment-là, c'est important d'expliquer aux enfants qu'est-ce que le sexe. Mais je trouve qu'avant cela, il n'est pas nécessaire de montrer ce genre d'image à des enfants qui ne savent. Ça se trouve, il y en a peut-être qui n'en ont jamais vu, qui se demandent aussi ce que c'est, je suis d'accord. Mais il paraît que tout le monde a vu. Il paraît que tout le monde a vu. Ah, ben si tout le monde l'a vu, ben je pense que le bourgmestre ferait bien de faire le nécessaire pour l'enlever, cette image. Ah ben, vous entendez la commune. Voilà. Ils vont en discuter demain, ils n'ont pas les moyens de le faire effacer, ils sont dans une position plutôt ouverte. Est-ce que ça vous convient comme position communale ? Non, pas du tout, parce que je suis désolée. À partir du moment où on trouve les moyens de dire, on laisse faire cet homme-là, il peut aller dessiner sur les murs et tout ça, ben alors moi je prends mon pot de peinture, demain, ce soir, je prends mon échelle, mon pot de peinture, et je donne un petit coup de rouleau là-dessus, et c'est réglé alors. Hein. Ah ben vous allez vous mettre en danger, eux ne veulent pas mettre les ouvriers communaux en danger. Est-ce que le propriétaire de cette maison doit dire oui, je garde ça sur ma façade ? Non. Non, il ne peut pas dire ça. Hein. Il doit faire le nécessaire pour enlever. Ça, c'est pas possible, ça. C'est porno ? Moi, c'est pas porno, mais ça a un caractère quand même assez... comment vous dire ? Si c'est pas porno, c'est quoi ? Ça me met mal... Honnêtement, moi, ça me met mal à l'aise de voir ça. Vous voulez faire de la censure ? De la censure artistique ? Artistique pas, mais alors ça n'a pas sa place en rue, ça a sa place dans un musée. Et pourquoi l'art ne pourrait pas être en rue ? Pourquoi l'art doit être dans un musée ? Parce qu'il y a une certaine forme d'art à respecter en rue et une certaine forme d'art à respecter, mais dans un musée. Et vous comprenez bien la démarche, sans connaître le nom de l'artiste, on sait qu'on est dans quelque chose de l'ordre du street art, de l'art de rue qui interpelle. Oui, je suis d'accord, ben, qu'il interpelle alors à sa manière, mais dans des endroits un peu moins visibles par rapport aux enfants. J'aurais très bien pu faire ça dans le quartier, excusez-moi, où il y a beaucoup de madames qui se baladent en vitrine. Vous voyez mais ce en que attendant, vous êtes prête à y aller avec un pot de peinture, là où la commune ne sait pas le faire. Dans un instant, on change de conversation. Pourquoi on meurt plus à la prison de Lantin qu'ailleurs ? C'est carrelage, parquet et pierre naturelle. Quadrus Waterloo, Wavre et Zaventem. Plus d'infos sur quadrus.be. En télé sur la Une. René Tonneau, le comptable de l'Office Wallon des Déchets, vient donc d'être intercepté. L'Office Wallon des Déchets, plus que jamais sur la sellette. À la SNCB aussi, c'est le scénario catastrophe. Austérité et libéralisation auront-ils raison de notre fleuron du rail ce mercredi soir dans Question à la Une. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Vivacité présente les Fêtes Romanes, festival des arts de la rue à Volubilis. Cirque contemporain, danse, acrobatie aérienne, jonglerie, théâtre de rue, plus de 70 spectacles à découvrir, mais aussi un immense village vert, la rencontre des créateurs et des animations pour toute la famille. Un événement gratuit les 24 et 25 septembre. Volubilis.be. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les... Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Tous les 6 jours, un prisonnier meurt, mais le taux de mortalité en prison n'est pas le même en fonction des prisons. Pourquoi on meurt plus à Lantin? On appelle dans un instant l'Observatoire international des prisons. Dernier éclairage au standard, Marion. Et le problème pour Léa de Bouge, c'est les suicides en prison. Les prisonniers ne sont pas suffisamment suivis et accompagnés par des psychologues. Avec un meilleur suivi, les prisonniers seraient sans doute moins nombreux à vouloir se suicider s'ils se savaient écoutés et compris par quelqu'un de professionnel. Une avocate, membre de l'Observatoire international des prisons, Benjamine Bovy, en ligne. Bonjour. Bonjour. D'abord un mot sur la statistique générale. De 2010 à 2015, 301 décès en prison. Est-ce que c'est un taux de mortalité qui nécessite qu'on s'y arrête ou c'est anecdotique? Non, c'est un taux de mortalité qui nécessite qu'on s'y arrête sérieusement, parce que c'est vrai qu'on constate au niveau des détenus un sentiment de désespoir de plus en plus accru, qui mène évidemment à des suicides plus importants. Il y a toujours le problème de la qualité des soins de santé aussi, parce qu'on pense aux mortalités, on pense aux suicides, mais il y a aussi le nombre de personnes qui meurent parce qu'ils ne sont pas soignés comme ils le devraient. Ah, c'est ça le chiffre. Et... sur les 301, 209 décès liés à des maladies, à des overdoses, ça peut être des maladies mal ou non soignées. Oui, tout à fait, parce que les crédits alloués aux services médicaux dans les prisons sont de plus en plus rabotés, la liste des médicaments autorisés est également de plus en plus rabotée. Donc, il y a clairement un suivi médical qui ne sait plus être adéquat par rapport au nombre de détenus que les médecins ont à suivre dans les prisons. Lantin, c'est ça qui nous tracasse ce matin. Lantin, donc première prison francophone en matière de décès avec 30 morts dans cette période-là et 13 suicides, ce qui est beaucoup plus qu'ailleurs. Pourquoi on se suicide plus à Lantin? Alors déjà, Lantin, sauf erreur de ma part, est la prison la plus grosse que nous ayons en Belgique, hein, puisqu'elle a une capacité de 694 places. Et on tourne avec un taux de surpopulation très important, puisqu'ils sont en moyenne 950 dans la prison de Lantin. Donc on a un taux de surpopulation qui frise les 40%. On remarque quand même que les détenus, plus la prison est grosse en termes de capacité carcérale, plus les détenus s'y sentent mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros turnover au niveau des agents, il y a une surpopulation plus importante, donc il y a un accompagnement personnalisé qui se trouve amoindri vis-à-vis du détenu, qui est de plus en plus isolé. Et donc, évidemment, ça conduit à un désespoir et à une dépression nerveuse accrue. Par ailleurs, la prison de Lantin est dans un état assez délabrement assez déplorable. Mais donc, en disant ça, vous actez une responsabilité de l'administration pénitentiaire dans ce nombre de morts et de suicides? Oui. Indéniablement, l'OIP ne cesse de le dénoncer et nous ne faisons que relayer les plaintes qui sont elles-mêmes émises par les services médicaux et les médecins qui travaillent dans les prisons en disant que leurs conditions de travail sont absolument abominables et leur effectif est tout à fait insuffisant par rapport à la demande. Sur la question de la responsabilité, si l'administration pénitentiaire est responsable, on découvre une série de décès liés à des overdoses, consommation de drogue. C'est aussi la faute de l'administration pénitentiaire, ça, ou ça relève de la responsabilité du seul détenu ? Mais ce sont des responsabilités, je dirais, partagées, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un problème de drogue dans les prisons. Tout le monde le sait, l'administration pénitentiaire le sait, la drogue circule énormément dans les prisons. Parfois, une administration pénitentiaire qui parfois ferme un peu les yeux par rapport à cette problématique, parce qu'un détenu qui est drogué est plus calme. Et ça, c'est une constante que nous constatons au quotidien. Des chiffres. Donc, il y a un manque de moyens pour prendre en charge. Il y a des détenus toxicomanes qui ont de grosses pathologies, mais il n'y a pas assez de moyens pour prendre ces détenus en charge dans une vraie cure de désintoxication. 50 secondes devant nous. Des chiffres. En matière de décès, prison de Marche-en-Famenne, zéro décès. C'est lié à sa qualité ou c'est lié au fait qu'elle est relativement neuve ? Ça doit être les deux. C'est vrai que les échos que nous avons des détenus de la prison de Marche-en-Famenne sont assez positifs parce que l'infrastructure est neuve et donc plus agréable. Ils ont un autre confort de vie puisqu'ils ont une douche en cellule, ce qui change beaucoup de choses pour eux. Ils savent mieux maintenir leur hygiène. Donc nous ne sommes pas forcément étonnés qu'il y ait justement un chiffre nul au niveau de la prison de Marche. Mons, 11 morts, Jamiou, 10 morts, Tournai, 8 morts. Est-ce que ces chiffres, dernière chose, sont pris en compte par les autorités ou ça n'ira pas plus loin que la déclaration de statistiques ? Je ne suis pas dans le secret du cabinet du ministre de la Justice. J'espère qu'ils le prennent en compte. Maintenant, dans les faits, nous ne voyons pas de changement de la politique de l'administration de la justice par rapport à cette problématique de toxicomanie, de désespoir dans les prisons. Non, on n'alloue pas plus de crédits aux services médicaux, on n'engage pas plus de psychologues que du contraire. On verra si suite il y a. Vous êtes membre de l'Observatoire international des prisons, Benjamin Bovy, classement des prisons, si j'ose dire, à découvrir dans Sud Presse aujourd'hui. On va vers les enseignements dans un instant. Nous avons le plaisir de vous inviter au bal de la commune d'Etterbeek le samedi 8 octobre à 19h30 au Centre des Sports. Vous pourrez y redécouvrir les plus grands succès de l'univers rock soul pop repris par Mister Cover. Infos et réservations, bal.etterbeek@gmail.com ou 0478 59 45 63. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rode-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Besoin de changer vos châssis? Ne cherchez plus. Allez chez Sebati, revendeur Finstral pour votre région. Vous y trouverez les châssis et les portes dont vous rêvez. Ils s'occupent de tout. Visitez les deux showrooms Sebati à Rebec et Braine-l'Alleud. Conditions irrésistibles pendant les portes ouvertes du 24 septembre au 1er octobre. Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin ? Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi ? Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Wow. Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça ? Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous. Tu sais, chez Abio... Oui, je sais, dommage qu'Abio me le fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abiome. Fenêtres, portes, véranda. Abiome.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. Abiome. Depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. Abiome. Fenêtres, portes, véranda. Abiome.be. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites-le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur FIF.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. c'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange. On meurt plus à Lantin. Sur la page Facebook, Zoé Boss. Sur la page Facebook où vous êtes 41 396 à liker et commenter tous les jours. Il y a eu Jean-Michel qui, selon lui, le ministre de la Justice était à la hauteur. Si le ministre de la Justice était à la hauteur, il y aurait moins de problèmes dans les prisons. Lantin est devenu une prison délabrée et bientôt insalubre. C'est probablement une des raisons des suicides dans cet établissement, nous dit Jean-Michel sur Facebook ce matin. Benjamin. Vous avez choisi une conversation sur le sexe géant à Saint-Gilles, peint sur une façade apparue en une nuit. Faut-il effacer cette fresque d'urgence? Eh bien, vous êtes une petite majorité ce matin à souhaiter que cette fresque soit effacée d'urgence. Les arguments, parce qu'elle a un caractère pornographique et parce qu'elle se trouve en face d'une école. Vous aurez noté une conversation non tranchée sur l'impact que peut avoir un sexe d'homme sur un enfant et sur la certitude que tous les enfants ont déjà vu un sexe d'homme, au minimum celui de leur papa. Et puis la position de la commune, le collège communal se réunit demain et on verra. Et ils verront. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. C'était Françoise de Gève. Françoise aurait préféré voir le sexe masculin en érection plutôt qu'au repos, pendant dans le vide. Elle trouve que cette représentation correspond parfaitement à l'image de la Belgique. Elle baisse la tête plutôt que de la relever. Pour cette raison, la fresque doit rester pour rappeler à tous les Belges qu'ils doivent être fiers. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur le sexe géant de Saint-Gilles. Parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Karine de Souvray à 10h16. Pour Karine, la commune doit faire quelque chose. Elle doit absolument l'effacer. Il faut protéger les enfants de cette fresque qu'elle qualifie de pornographique. C'est ça qu'on veut leur montrer de la société. On ne vit déjà que de la violence tous les jours à la télévision. C'est absolument choquant. Nos enfants ont droit à autre chose que ça quand même. Mais c'est pas de l'art, c'est de la pornographie. C'est de la pornographie. Il y a des choses tellement jolies qu'on peut montrer, tellement belles. Je trouve ça un peu aberrant de laisser ça à une façade. Mais pourquoi ? Pour les phases d'urgence, ça ne doit pas rester comme ça. Demain, on va partir à l'autre pignon de maison, un vagin d'une femme, et la semaine d'après, ce sera les 36 positions des Kama Sutra. Il n'y a aucun sens artistique à ça. Enfin, les gens qui ont fait ça, ce sont des irresponsables. Comme je dis, ce sont des rabotés du cerveau, tout simplement. Moi, j'ai 4 filles. Elles ont toujours vu leur père tout nu, donc ça n'a pas les choquer. Elles savent ce que c'est un pénis. Et ben alors, en quoi ça les choque, puisque c'est pas la première fois qu'elles sont confrontées à un pénis? Mais parce qu'on ne met pas un pénis comme ça, énorme, devant une école d'enfants, voilà, je trouve ça très moche. C'est un sexe d'homme, vous n'allez pas me dire que tous ces enfants n'ont jamais vu leur papa tout nu. Vous savez, à la sortie des écoles, surtout dans les centres-villes, oh, les voitures sont poussiéreuses. Vous avez déjà vu le nombre de zizi qui sont dessinés par les enfants eux-mêmes? C'est beaucoup de bruit pour rien, quoi, je veux dire. C'est une forme de bande dessinée, mais c'est un message d'adulte. Moi, ça me fait penser à une grosse limace. Je suis une adolescente, je vois ça, je fais une croix sur l'homme pour toute ma vie. Hein. Je reste lesbienne, c'est pas joli du tout, c'est pas représentatif d'un vrai sexe d'homme. Je suis désolée. Ça, on vient rajouter quelque chose à Bruxelles, Bruxelles qui est quand même déjà mondialement connue pour son mannequin piece. Ça, c'est quelque chose en plus dans ce registre-là, d'un point de vue artistique, je trouve. La fresque est toujours là, les commentaires sont donc toujours possibles sur la page Facebook de C'est vous qui le dites, bien sûr, et vous aurez noté au passage qu'il y avait d'autres fresques dans la capitale, c'est celle de Saint-Gilles qui a marqué les esprits. Voilà pour nos 2 heures de dialogue, passez une excellente journée, on se retrouve demain.